شعوب الأرض بتهتف تعال الملك يسوع، بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع. كل شعوب الأرض بتهتف تعال الملك يسوع، بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالق وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالق وسطيها. بيسر في ايدينا وبك يا معين مشوي من حوالينا. انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. الارض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. من وياك رفعين رايات وعد غاية مينا، بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يا مدينة. ماشيين وياك رافعين رايات وعد غاية مينا، بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يا مدينة. C'est chaud ce soir dans Espagne, dans la sainteté de la Saint-Louis. Et la bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va? Le frère Stéphane, bonsoir. La sœur Carole, bonsoir. La princesse, bonsoir. Voilà, voilà, voilà. Espagne dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Tu m'as donné le courage. Tu as donné le courage de faire quoi, ma soeur? Partage avec nous. De te présenter malgré les victoires. La princesse Suisse, bonsoir et bienvenue dans Espagne dans la sainteté. Bonsoir, shalom, shalom tout le monde. Je crois qu'il vous laisse quelques deux minutes de faire connaissance. Comme vous voyez sur l'écran là, ne regardez pas, c'est le jeune garçon qui a mis les doigts là comme ça sur le menton. Il a la barbe cette fois-ci. Il s'appelle, lui-même va se présenter de toute façon. Donc voilà, comme vous le voyez là. C'est encore allumé là-bas, la lumière là. Pardon. père de Guinée a changé de look. Voilà. Voilà. Ma soeur Carole. Ouais. Shalom, ma soeur, bonsoir. Shalom, shalom. Pourquoi Linda envoie les messages? Elle n'est pas connectée. Donc j'attends que vous finissiez les présentations entre vous et puis on va commencer. Moi, c'est la sœur Carole depuis l'Allemagne. C'est pas qu'on se connaît quand même. Je connais le frère Stéphane. Merci pour sa présentation. Pardon. Merci pour la présentation du frère Stéphane, que tu, comme tu as fait. Bon, je me tais alors. Je suis la sœur Carole de l'Allemagne. Je suis la sœur Louis de l'Espagne. Shalom tout le monde. Moi, c'est la sœur Emma depuis la Suisse. Shalom ma sœur. Shalom ma sœur. Shalom, le frère Stéphane de Lyon. Donc tu es le lion, hein, ou bien? Le lion, le lion. Ok, ok, ok. J'ai cru que tu as dit le frère Stéphane le lion. Non, non, non. Shalom, moi c'est le frère Benjamin depuis l'Allemagne. Je crois que la connexion bug un peu en Espagne ou c'est au Cameroun. Vous m'entendez bien? Ok, donc la sœur Louise n'a pas encore parlé. Il y a quelqu'un qui se présente sur... Il y a quelqu'un sur l'écran maintenant là, c'est qui? C'est qui en foulard là? C'est la sœur Louise. Ah ok, ok. La sœur Louise, bonsoir et bienvenue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs et bienvenue. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, si quelqu'un a des questions, posez pas les questions difficiles et surtout ne posez pas mes propres questions. J'espère que quelqu'un ne posera pas le style de questions du genre où est-ce que c'est écrit que Jésus devait être Nazaréen. Ça, ce sont mes questions, ça. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai une question, frère. Oui. Donc, ma question est dans le livre de Jean, chapitre 8, oui. À partir du verset 5. Oui. Jean, chapitre 8. Mm-hmm. Comme adultère. Oui. Je commence à partir du verset 1. Oui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mmh. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Mmh. S'étant assis, il enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Mmh. Et, La plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Quoi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Oui. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Oui. Donc ma question était de savoir que pourquoi il voulait éprouver Jésus. Dans la mesure où, au verset 5, cette personne disait que Moïse a dit dans la loi que de telles femmes devaient être lapidées. Voilà. Et ma Bible me renvoie dans le livre de Lévitique 20 et Deutéronome 22. Oui. Alors, et on voyait que dans ce cas-là, c'était plutôt l'homme et la femme. Oui. Alors, si tu lis, comme je vous présente ma Bible là, si tu vois effectivement, je ne sais pas si vous pouvez voir, comme la caméra est petite. Effectivement, là où il y a mon doigt, là, vous allez voir qu'il fait une petite annotation. Vous parvenez à voir, n'est-ce pas? Pas clairement, quand même. Ok, ben, de toute façon... En fait, pour ce qui me concerne. Oui. Donc, je vais lire exactement ce qui est dans cet endroit. Dans le verset 5, il dit, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? J'ai pris une notation dans le groupe de mots, toi donc, que dis-tu? Puis j'ai écrit à côté, hypocrite. Comme l'écriture a déjà dit ça, pourquoi poser encore la question? Fais ce que dit l'écriture. C'est ce qui est écrit là-dedans. Donc, c'est là, vous m'entendez? Pas très bien pour moi, de mon côté. Donc, je tente de le dire, la notation que j'ai mise là, dans le verset 5, j'ai dit, ces gens-là, la Bible déclare que Moïse, dans la loi, dit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? J'ai comme l'impression que le raison n'est pas bon là. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Ok. Oui. Je crois que le frère Stéphane, je ne sais pas si il nous entend. Oui, oui, oui, oui. Voilà. Je crois que la bande passante, comme je partage l'écran là, je crois que ça va maintenant se calmer, maintenant ça va, le réseau va chuter. C'est bon maintenant, c'est clair, n'est-ce pas? Alors donc, dans mes travaux, dans la Bible, comme vous voyez devant moi, j'ai dit hypocrite, comme l'écriture a dit cela, pourquoi donc ne le faites-vous pas? En réalité, il y a un problème, comme tu as remarqué. Normalement, ils amènent cette femme-là devant le Seigneur Jésus. On dit cela, ils disent cela pour l'éprouver. En fait, et une fois de plus, si vous regardez le trait, vous allez remarquer qu'il y a un trait tout juste qui passe dans la Bible là. Vous voyez le trait? Un trait tout droit. Bon, je vais vous présenter cela. C'est ici, là où il y a mon doigt. Vous voyez le long trait, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc ça veut dire que le trait conduit jusqu'à ce passage-là particulièrement. C'est vrai, on dit qu'on va remonter plus haut. On va remonter plus haut au verset 51 du chapitre 7. Nous allons voir que quelque chose se trouve là-bas. Souvenez-vous qu'au chapitre 7, la Bible déclare qu'il y avait la fête, la grande fête à Jérusalem. Les Juifs sont montés et ils se disaient les uns les autres au courant de cette fête-là, que est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il sera là? Subitement, au milieu de la fête, Jésus va monter, commencer à enseigner. Et dans la foule, il doit avoir division d'opinion le concernant. D'autres personnes vont dire que non, c'est un prophète. Quand le Christ viendra, fera-t-il encore le plus de plus grands miracles que... Mais celle-là, elle a décrit sur le forum, elle demande qu'on l'ajoute, alors qu'elle est déjà sur le forum. Je ne comprends pas la nouvelle technologie espagnole. Et je crois qu'elle essaie de l'écrire en effet. Dites-lui seulement tout simplement qu'elle clique sur l'onglet droit de son Skype. Normalement, c'est rejoindre le groupe là-bas. Alors, je tente de lui dire que dans ce livre-là, voilà, maintenant elle a pu rejoindre maintenant. La sœur Linda, bienvenue. Shalom, ça va? Oui, mais c'est vrai qu'on ne t'entend pas bien. Alors, étant donné, dit donc que dans Jean chapitre 7, vous remarquez que le Seigneur Jésus-Christ va dire au milieu de la foule, il va commencer à prêcher. Les gens vont commencer à lui poser des questions, se poser des questions. Deux groupes vont se former. Les gens qui vont dire, ah, le Messie, quand il va venir, est-ce qu'il fera encore de plus grandes choses, de plus grands miracles que celui-ci? Puis la Bible déclare que d'autres personnes disent qu'il égale la multitude. Et là, au verset 49 du chapitre 7, le chapitre 7 de ce livre des gens là, la Bible déclare que c'est les pharisiens. Quand ils vont entendre cette différente opinion sur Jésus, ils vont dire, mais cette foule là, elle est maudite, elle ne connaissent pas la loi. Donc le simple fait qu'ils entendaient que les gens parlaient bien du Seigneur Jésus-Christ, ça a commencé à les pousser à la jalousie. Mais subitement, après le verset 49, verset 50, on va dire quoi? Que Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus, qui, vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Alors c'est pour ça que j'ai mis le trait depuis là-bas jusqu'au verset 5 et 6 du chapitre 8, pour montrer effectivement qu'en réalité, ici, ils cherchaient donc une occasion de suite pour pouvoir l'accuser. Donc en réalité, dans leur réunion, ils cherchaient donc des échappatoires, comment faire pour condamner Jésus, parce qu'ils entendaient qu'on disait des biens de Jésus. Alors ils sont réunis, donc ils cherchent donc les voies et moyens, ils cherchent les pour. Je vais vous prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Vous avez remarqué, il y a, étant de surveiller les contacts, de lire un enseignement sur Bamba Iba, et puis je me suis rendu compte que, apparemment, le frère Iba fait le montage, je ne sais pas comment ça se fait le montage, dans le montage, si vous regardez les vidéos, vous voyez que ça fait passer des traits comme ça, et ça fait passer des barres de traits, je ne sais pas comment, si c'est dû au montage, parce que dans chaque vidéo, il y a cela. Il y a quelqu'un qui va là-bas en commentaire, dit que, quelle est cette chose qui ne fait que passer là, comme ça, là, dans la vidéo, c'est pour hypnotiser les gens ou quoi. J'ai ri fatigué ici dans la maison. Vous voyez, donc ils se sont dit peut-être que le frère Eba a mis un truc de bas là-bas, cette chose, quand quelqu'un sur la vidéo normalement, je sais pas, il y a quelque chose qui défile là, ça va et puis ça revient, ça va et ça revient. Cette personne là a écrit que non, ça c'est les trucs d'hypnotisation, parce que ça captive les gens sur l'écran. Et donc, maintenant je pose la question, dans tout l'enseignement, quand elle est allée, est-ce qu'elle n'a pas fait état de l'enseignement qui est dit? Vous pouvez savoir l'esprit qui anime quelqu'un. Vous pouvez savoir l'esprit quand quelqu'un vient vers vous. C'est pour ça que vous voyez, monsieur arrêté ici, il pose la question. Il y a d'autres annotations là-bas que j'ai écrit, qu'il ne doit même pas vous dire. Parce que la personne se plaque devant de vous. D'autres viennent dire, bon maître. Ils disent, bon maître, nous savons que tu enseignes la voie de Dieu. Vous voyez, sans acception de personne, sans plaire, ou si tu veux pas plaire à personne. Puis il dit, mais, c'est quand même terrible. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, il y a des gens qui peuvent venir te flatter en disant « Waouh, tu prêches bien. » Après, comment? Ils posent une question piège. En réalité, c'est les pieds d'achoppement que Dieu lui-même a mis. Depuis le chapitre 7, vous allez voir la même chose. Chapitre 8, même chose. Voilà donc pourquoi ils n'y comprennent pas le langage du Seigneur. Regardez encore au chapitre 8 là. Regardez, chapitre 8 toujours. Versets 12 et 13. Regardez encore ce même esprit. Écoutez très attentivement. Ça, vous ne pouvez pas imiter. Si cet esprit est sur vous, vous allez vous rendre compte que vous faites seulement comme les pharisiens sans vous en rendre compte. C'est quand on rentre dans l'écriture que vous pouvez savoir si vous en avez fait comme le Saint-Esprit dit ou bien comme les pharisiens le disent. Regardez. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière des vies. Voilà ce que Jésus a dit. Mais maintenant, au lieu d'appréhender et d'essayer de comprendre, s'il ne comprend pas, demande au Seigneur, nous ne comprenons pas ce que tu veux dire. Le verset 13 dit, là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Vous voyez, voilà donc pourquoi il ne peut pas saisir la lumière. Il ne peut pas saisir la lumière dans ces conditions-ci, parce qu'en réalité, ils ne sont pas devant Jésus pour comprendre ce que Jésus a dit. Ils cherchent plutôt la faille que Jésus va faire pour l'accuser. Parce qu'en réalité, plusieurs fois dans les Saintes Écritures, vous allez voir effectivement qu'ils vont se réunir dans ce même livre des gens, dit que vous ne voyez rien, tous vont à lui. Donc tout le peuple croit en lui. Et au chapitre 11, donc finalement, ils vont dire que si nous le sommes de cette façon-là, tout le monde ira à lui. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère Stéphane et autres? Alors, dans cet esprit, si c'est l'esprit qui est tout simplement là pour chercher la faille, il y a des gens qui viennent seulement pour chercher la faille. D'autres vont venir dire, pourquoi tu as dit telle chose là-bas? Et Jésus, dans toutes les Écritures, que ce soit n'importe quel prédicateur de la Bible, il y a ces choses-là sur eux. Les paroles d'achoppement. Si vous voulez, je vais depuis la Genèse, je vous les montre, depuis Abraham, je descends jusqu'à ce que je passe par Jésus, que je traverse l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, jusqu'à ce que j'en sorte. Vous voyez que Dieu leur donne toujours des paroles d'achoppement. Pour que ceux qui sont devant de lui, quand ils viennent pour ne pas comprendre, ils les choquent davantage. Voilà, je crois qu'il faut que je m'arrête là, parce que je ne peux pas prendre un sujet dans ce sens-là. Alors, Jean, j'ai écrit ici au verset 5, hypocrite, comme l'écriture a déjà dit cela. Pourquoi on ne veut pratiquer pour vous pas? Ok, si Moïse a dit déjà dans les écritures, pas étonnant donc dans le chapitre 7, là, le verset 19, il va dire, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nous, vous n'observez la loi. Parce qu'en réalité, s'ils observaient la loi, ils devaient pratiquer ça devant Jésus. Si Moïse a déjà écrit, et il savait que Moïse était serviteur du Seigneur. Si Moïse a déjà écrit que si vous attrapez quelqu'un en flagrant délit d'adultère, l'homme et la femme doivent être lapidés. Et effectivement, ils avaient attrapé en flagrant délit d'adultère. Deutéronome chapitre 22, verset 22, disent que tous deux doivent mourir afin qu'on note comme ça le mal du milieu d'Israël. Mais là, ils ont pris la femme en flagrant délit d'adultère, laissé l'homme venir présenter la femme devant le Seigneur. Vous voyez effectivement qu'ils ne croyaient même pas déjà Moïse. Et ils ne citaient même pas Moïse parce que Moïse n'a pas dit qu'on va lapider. Il dit Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Or, si vous voulez donc occuper, est-ce que Moïse a dit, dans ce cas, pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi n'ont pas la paix des femmes? Il veut encore présenter la femme à Jésus. Ça veut dire quoi? Il voulait prendre Moïse pour confronter Moïse avec Jésus. Or, c'est Moïse, Jésus qui a donné les paroles au Moïse. Espagne dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Donc ne vous inquiétez pas, vous prêchez la parole, il y a des gens qui vont seulement venir comme ça là. Ils vont dire, j'ai écouté dans ta prédication, dans l'une de tes prédications, tu as dit telle chose, pourquoi tu as dit cela? C'est pour ça que vous voyez, en temps, je ne pose la question qu'avant d'arriver là-bas, qu'est-ce que tu as écouté qui était bien? Les autres, tu as écouté, tu as fait quoi? C'est la même parole qui vient dire, vous allez entendre quelqu'un va dire que, est-ce que vous savez où Jésus était entre 12 ans et 30 ans? Il a fait commencer son ministère quand on voit le voir à 12 ans dans la Bible, après à 30 ans, quand il commence à laisser personne commence à poser cette question, il y a cet esprit sur lui. Ça, c'est l'esprit d'égarement. Des questions? Bon, chacun a décidé de se volatiliser. Il ne voit plus personne. Allô? Oui, je vous suis. J'ai une question fait dans le livre. Le frère Joseph, le frère de Corinthien. C'est qu'on est aussi. Le frère Stéphane, tu es là, tu nous écoutes, je ne te vois plus sur mon moniteur de contrôle. Le frère Stéphane est là. Là. Ok, donc parce que ta caméra est partie. Allô? Oui. Ta caméra est partie ainsi que la caméra de la vidéo de. Le frère Benjamin, sur ton écran, tu vois qui en caméra? Je vois la soeur Carole, la soeur. Je vois pas, le frère Stéphane n'est pas là, je vois pas si toutes les autres personnes. Oui, ok. Bon, allô? Je suis pas là. Oui, ta caméra ne montre pas. Oui, tu ne montre pas. Même la soeur Linda, ça ne montre pas. Même la soeur de caméra de la soeur Carole, je ne vois pas, encore moins la caméra du princesse de Jésus. Alors, frère Stéphane, y a-t-il encore des questions avant qu'on finisse avec toi avant de continuer? Moi, je vois tout le monde. Et tu vois tout le monde connecté avec la vidéo? Tu vois, oui. Tu vois la vidéo de tout le monde? Bon, il n'y a que le frère Stéphane qui a fermé. Oui, je vois la vidéo de tout le monde. Wonderful. Moi aussi. Bon. Oui, Stéphane est revenu. Oui. Ok. Bon, c'est seulement chez moi. Il a envoyé le virus que ça ne se présente pas chez moi. Des questions, frère Stéphane? Non, ça va. Déjà que tu as répondu également au verset, au chapitre 7 également, parce que j'avais aussi une question par rapport à ça, parce que ça brosse le 7 et le 8 également, parce que on voit que déjà à la fin aussi, quand Nicodème apparaît pour être écrit dans la loi. Et tu vois qu'à la fin, il pose une question en disant que dans le livre de la loi, est-ce que. C'était le dernier chapitre, chapitre 53. Mm-hmm. Il propose 52 comme ça. Mm-hmm. Où il dit que. Donc justement, tu as répondu déjà tout à l'heure en brossant un peu. Okay. Et même plus en amont également, où, à partir du verset de la vingtaine, où il parle de Moïse de la circoncision. Oui. Ok. Merci. Mais que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Merci. Voilà. Des questions, on passe à autre personne. Si quelqu'un d'autre a la question, a une autre question. Frère Stéphane, tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Oui, je sais, frère. Je sais. Salutations à Steph. Merci, moi aussi, je t'aime beaucoup. Il y a tant de questions, des questions. S'il n'y a pas de questions, on prend quelque chose justement dans ces passages de la Bible, on essaie d'examiner. Je crois qu'on pourra finir. Ou bien, si vous n'avez pas de questions, moi, je vous en question, pose. Frère. Voilà, allons-y, mon frère Benjamin. Allô? Je sais que c'est pour toi, alors tu as tellement de cahiers de questions. Oui, j'ai une question. Juste un peu, frère, c'est juste une question. Dans le livre de Corinthiens, au chapitre 3, mmh. là, l'apôtre Paul parle de lettre de recommandation. Oui. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 13, il dit, nous le prenons au contraire pour mesure la limite du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Donc, je voulais en fait demander à quel moment sont données les lettres de recommandation et qu'en est-il, par exemple, des prédicateurs d'aujourd'hui? Comment savoir quelles sont les limites qui les sont assignées? Bonne question. Bon, dans ce passage que tu as lu là, je croyais que peut-être que tu devais aller en prenant encore la prochaine fois qu'il parle des lettres de recommandation en disant de la collecte qui sera faite pour envoyer au sein de Jérusalem, il va envoyer titre avec les gens ou bien les gens qui auront choisi, que l'Assemblée aurait choisi pour envoyer à Jérusalem. Mais prenons les questions parce que en fait ta question là c'est subdivisé en deux questions. Tu veux savoir par rapport à quoi concrètement, la lettre de recommandation ou bien aujourd'hui les apôtres, leurs limites. Allô mon frère. Oui, la lettre de recommandation, quand est-ce que cela est donné, comment en fait ça se passe? Allô frère. Oui. Allô. Oh, c'est pas vrai avec cette connexion-ci. Le frère Stéphane, tu m'entends? Ouf. Voilà, quand il n'y a pas de vidéo, c'est pas évident. Quand les gens ferment les vidéos, c'est pas évident. Parce que là, quand on ne se voit pas, au moins vous pouvez faire comme le frère Stéphane a fait là. Parce que je vois seulement le frère Stéphane qui est en train de voir ici sur vidéo. Et moi-même. Donc quand je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous allez m'écouter. La seule Linda, tu es là? Vous voyez, quand sa vidéo n'est pas présente, on ne peut pas savoir ce qu'elle fait ni ce qu'elle est. Je vous remercie, ça dérange beaucoup. Comment? La connexion, ça dérange beaucoup. Je perds le son de temps en temps. Ok. La sœur Carottier est là aussi? Oui, mon frère, je suis là. Dans la vallée de Neuchâtel, y a-t-il des situations là-bas? La sœur, tu n'entends? Oui, je suis là. Donc, vos vidéos sont toutes fermées. Mais je ne vois pas les autres. Mais voilà. Même toi. Je ne sais pas comprendre. Toi également, on ne voit pas. Ok, le frère Benjenit, allons-y maintenant, recommençons ta question. Moi, je vois tout le monde. Hein. Tout le monde, avec les vidéos. Avec les vidéos. Moi, je vois tout le monde. La caméra de tout le monde est allumée chez toi. Moi, je vois tout le monde. Tout le monde. Moi, je vois tout le monde. Oh, ok, donc ça... La caméra de tout le monde est allumée. Ok. Mais le son dérange. C'est des situations. On va sauf que parler aujourd'hui, là. Même s'il n'y a pas de caméra, on va parler jusqu'à ce que ça finisse. Alors, le frère Benjenit, parle-nous alors. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, tu veux savoir les lettres de recommandation, n'est-ce pas? Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 16. À partir du verset 1 où l'apôtre Paul nous dit, pour ce qui concerne la colère en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui. Allons-y, continuons là-bas. Personne ne veut lire ici. C'est terrible qu'il fait le froid qui est en Espagne. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille, moi, elles feront le voyage avec moi. Voilà. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Oui. Je continue. C'est bon, c'est bon. On a compris la quintessence. Maintenant, 1 Corinthiens, enfin, Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Versets 22, 23, 24. Alors, c'est bon chez tout le monde. Amen. Oui, oui. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, homme considéré entre les frères. Il est chargé d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, les frères et aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucune. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlez vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis pour ensemble, après nous être réunis tous ensemble, de choisir les délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Voilà. Maintenant, allons rentrons dans tes 2 Corinthiens, chapitre 3, le premier verset, et puis on va aller au chapitre 12. Déjà, vous avez compris ici qu'à l'issue de la réunion du concile de Jérusalem, des lettres ont été envoyées par au prophète Jude qui devrait aller avec porter ce message-là dans les différents contrées où l'évangile avait été prêché. Des lettres ainsi qui sont conçues. Le contenu de la lettre est conduit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, comme nous avons lu à partir du verset 22 là. Donc, ils ont conçu une lettre et des gens devraient aller les recommander. Aller devant l'assemblée dans une localité où ces problèmes s'étaient posés, lit que voici la décision des apôtres. Maintenant, tout à l'heure, l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, qu'il donnait les recommandations à ceux de Corinthe qu'ils fassent leur collecte avant qu'ils ne viennent, pour qu'ils n'attendent pas sa venue pour faire la collecte. Quand ils auront fait la collecte, ils vont faire le diagnostic en disant, par exemple, qu'il y a eu 100 000 dollars déjà contribués. Maintenant, il dit, si il faut envoyer les gens à Jérusalem pour porter ces dons-là au Saint, ils vont écrire des lettres que salut à l'église des saints qui se trouve à Jérusalem. Les apôtres et les prophètes ayant décidé de leur propre gré dans les contrées, par exemple de l'Achaïe et de la Macédoine, de vous envoyer quelques collectes, il nous a paru bon de vous envoyer avec ces personnes-ci qui vont concevoir et lire cette lettre devant vous, ce don-ci qui est venu de l'église au prix de telle ou telle somme. Recevez cela comme une grâce qui vient de la part du Seigneur, afin que en toutes choses, le Seigneur soit glorifié. Salut à vous. Que la paix et la grâce soient vous multipliées de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, par exemple, comment on pourrait recommander la lettre que l'autre devait aller avec cela à Jérusalem. Maintenant, lorsqu'ils prennent cette lettre-là, ils vont, ils arrivent sur place. Il y a des gens à qui ils donnent, les anciens qui dirigent les églises ou bien les différentes églises dans les localités dans lesquelles ils vont avec ces choses-là. Ici, dans Luda, Actes des Apôtres, chapitre 15, quand ceux de Jérusalem rentrent avec Silas et autres, ils se chargent d'expliquer non seulement le contenu de la lettre, mais aussi en allant dans toutes les localités, ils vont y aller, ils vont expliquer le contenu du pourquoi la réunion a eu lieu et ce qu'on a décidé. Le frère Jean-Marie Bekombo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Content de te voir, bonsoir, et content de te recevoir. Bonsoir, frère. Voilà. Maintenant, il faut qu'on explique dans les Saintes Écritures pourquoi, voilà, pourquoi les Saintes Écritures, dans les Saintes Écritures, pourquoi la lettre de recommandation a été donnée et comment ça se passe. Et si encore, on va poser encore la question aujourd'hui, si les lettres de recommandation sont nécessaires aujourd'hui. D'accord? Chapitre 3 de 2 Corinthiens, verset 1, lisons ce qui est écrit, puis on va au chapitre 12, on lit également. Allons-y, mon frère, je vous attends. C'est quand même curieux ça. Et je lis. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Je vais chapitre 12 maintenant. Verset 1. Verset 11. Prenons le verset 11. J'ai été insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Maintenant, on va lire un dernier passage dans le livre des Romains, chapitre 16, verset 1. Quel livre? Romains au chapitre 16. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse à l'église des Sanctuaires. Voilà. Et donc, vous voyez effectivement que l'apôtre Paul écrit comme ça à, et il va donner l'instruction par la suite de le recevoir comme parce qu'elle a donné aide à lui, à beaucoup d'autres saints. Ça, ce principe de recommandation, vous allez voir tout au long des Saintes Écritures. Dans le livre de Philomon, il va recommander à Philomon de prendre Onésime comme son propre fils qu'il a engendré étant dans les chaînes. Et il disait effectivement qu'il obtient de lui cette faveur-là. Donc, la recommandation a pour principe, exactement comme son nom le dit, de recommander une tierce personne à une autre personne pour des faveurs ou bien pour manifester un désir, bien une recommandation comme la contenu de la lettre le dit. La recommandation peut se faire de bouche à oreille, par lettre, et comme dans notre temps, par écrit, par téléphone, par n'importe quoi. À Timothée, par exemple, il va demander de recommander aux justes, recommander aux riches, de ne point avoir d'être riche en libéralité, ainsi de suite, dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6. Dans le livre de, toujours dans 1 Timothée et 1 Thessaloniciens, il dit qu'on vous a recommandé telle ou telle chose, nous vous recommandons telle ou telle chose de le faire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc la recommandation peut faire de bouche à oreille, comme le cas d'Onésime, où il est en train de dire à Philomon de recevoir Onésime comme son propre fils, où il a dit à Tite, oui, je te recommande de dire ces choses, prêche-le la parole, ainsi de suite. Donc la recommandation est toujours biblique, c'est toujours biblique. Dans l'Ancien Testament, nous voyons également des recommandations. Vous voyez que Dieu recommande telle personne, Moïse, d'aller vers son serviteur Josué et lui imposer les mains. Donc la recommandation n'est qu'une ouverture et une direction de la part du Seigneur concernant les Saintes Écritures dans une direction bien déterminée. D'accord, mon cher frère? C'est vrai, on dit par exemple que le frère Benjenit peut quitter maintenant pour aller en France. Il me demande, est-ce que frère Junior, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me recevoir là-bas? Je dis, ok, je t'écris une lettre. Quand tu vas arriver, tu donnes cela au frère Stéphane. Tu dis, Junior, le frère du Cameroun, à mon frère bien-aimé Stéphane qui se trouve du côté de Lyon. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de celui qui est, qui était et qui vient, notre juge commun et notre Seigneur et Sauveur qui a versé son sang pour notre rédemption commune. Je voulais t'écrire comme ça pour notre foi commune et puis je me suis senti poussé à t'écrire cette instruction. C'est afin que tu te recommandes notre frère bien-aimé Benjenit, qui est un bien-aimé de la part du Seigneur. Il a fait beaucoup de bonnes œuvres et dont les églises de l'Allemagne témoignent. Voyez place de soi, frère, recommande-le comme un serviteur de Dieu qui est digne, sachant qu'il a souffert au point où il ne se coiffe même plus pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La barbe, avec les difficultés qu'il a, il ne parle même pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, vous voyez que la recommandation peut être faite encore aujourd'hui. Et en fait, vous la pratiquez même sans vous en rendre compte. L'apôtre Paul dit donc ici là que, en parlant des Corinthiens, que c'est. Normalement, c'est les Corinthiens qui devaient recommander même l'apôtre Paul. Il devait dire que non, c'est l'apôtre, c'est que nous le reconnaissons comme apôtre. Et il a effectivement dit que, quoi qu'il ne soit rien, les autres le considéraient. C'est pour ça que dans ce chapitre 10 des 2 Corinthiens, il défendait son apostolat. Il dit que c'est pour les autres, je ne suis pas apôtre pour vous quand même, je suis apôtre. Parce que les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Donc l'apôtre Paul disait donc aux Corinthiens que pardon, il y a des autres personnes qui viennent avec des lettres de recommandation parce qu'ils doivent être reconnus comme tels au milieu des chrétiens, recommandés par les chrétiens. Des questions? Ça va, le frère Benjamin? Merci, frère, merci vraiment. Que Dieu te bénisse. Posez toutes vos questions. Ne me posez pas mes questions. Posez toutes vos questions. Mes questions, c'est pour mes questions. Mes questions. De toute façon, cette soir, il y a le frère Jean-Marie de la Suisse qui est également là. Donc, oui. Un serviteur de Dieu pourra répondre à ces questions-là si ça me dépasse. C'est moi qui pose. Hein? Je ne vais pas poser, je réponds en même temps. Ok, ce principe-là, nous allons l'appliquer. Donc, ça dit, si moi je pose, il ne doit pas répondre en même temps. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Frère, bon appétit. Merci. Recevez la salutation de la sœur Grâce qui fait des merveilles ici au Cameroun. Comme vous pouvez constater vous-même. Et le bébé. Oui, c'est le bébé. Oui. Alors, ici à votre service, des questions? Frère Junior, on n'avait pas fini mes questions. Oui, quelle question, ma soeur? La question qui portait sur les apôtres, comment savoir qu'on est apôtre, comment savoir qu'on est appelé? Et oui, qu'en est-il des fils spirituels? Alors, on aurait répondu à la question des missions. Quand une église, quand peut-être un conducteur ou un pasteur dit qu'il a reçu une mission. Oui, une vision. Et on avait lu dans Habakkuk 2, au verset 2 jusqu'à 4. Et là, on avait pu voir que, en fait, c'était une mission spécifique. Mm. Donc, il n'était plus question de mission puisque le Seigneur avait accompli. Mais j'avais encore, en fait, le deuxième volet, c'était au niveau des fils spirituels, des pères spirituels, les fils spirituels. Mmh. Et bon, lorsque j'ai lu Timothée, Timothée, première épître de Timothée, de Paul à Timothée, au chapitre 1, et au verset 1, lorsque Paul appelle Timothée son fils, alors ça me laisse un peu, je sais pas, réfléchir, je comprends pas bien. Oui. Le frère Stéphane, tu peux m'aider à répondre cela? Effectivement, nous voyons un milieu. Au niveau de l'appellation de... Oui, nous voyons un milieu. Il est introduit tout juste. D'après comme la sœur en train de voir, nous voyons effectivement un milieu évangélique aujourd'hui. Cette appellation à outrance, les pasteurs qui disent ça, ce sont mes fils spirituels. Et les autres se prosternent en disant que Daddy, tu es mon père spirituel. Donc, c'est le principe de mentorship qu'ils ont voulu avoir et apprendre dans leur cours managérial qu'ils ont pris dans le milieu chrétien, a fait de telle enseigne que désormais, quand tu vas vers un pasteur, tu l'appelles, il va dire non, c'est un manque de respect parce que c'est ton père spirituel. Maintenant, donc, je te place dans la question de la sœur. Est-ce que cette notion du père spirituel, telle que prônée en milieu chrétien aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Paul et l'apôtre et Timothée s'interpellent? Pense à qui, c'est l'apôtre, c'est moi. À tout le monde et à toi principalement, mon frère. Frère, s'il te plaît, je n'ai pas compris vraiment. Tu as dit parce que le son un peu dérange. Non, j'ai seulement posé bien ta question en amplifiant. J'ai tout à l'heure posé ta question en disant que aujourd'hui on voit au milieu chrétien les gens qui ont enseigné ces choses-là, qu'il y a des, comme Élisée et Élie, comme Moïse et comment s'appelle Josué, comme Timothée et l'apôtre Paul, l'autre était le fils spirituel, l'un était le fils spirituel de l'autre et par conséquent l'autre était le père spirituel de l'autre. Et ils commencent à instituer ce principe-là, que le votre père spirituel c'est celui qui vous a engendré en Christ. Et de telle enseigne que ça, c'est l'appellation fait de telle enseigne que même aujourd'hui il y a des divisions au point où il faut appeler les gens comme tels. Vous voyez un papa avec des cheveux blancs sur la tête, il vient vers un enfant pour lui dire que papa, et ils traînent ça comme ça. D'autres encore plus graves appellent les autres maman spirituelle, ma mère spirituelle. Continuons. Est-ce que c'est normal en milieu chrétien? Frère Stéphane, you have the floor. Pour moi, je trouve pas ça normal, parce que comme le verset que la sœur a cité, qui est dans notre 1 Timothée au chapitre 3. Donc, généralement, on a vu que beaucoup de gens prennent cette exemple de Paul et de Timothée en appelant mon fils dans la foi, mon fils, mon fils. Et sur la fait d'ajouter mon enfant légitime en la foi, on a dit mon enfant spirituel. Donc, et généralement, les gens, le fils spirituel est celui-là, après le père. Attends d'abord, allons à la base. Y a-t-il la notion d'enfant spirituel et père spirituel dans le Nouveau Testament? Y a-t-il d'abord? Non. Non, non. C'est vrai, on dit que si quelqu'un dit que ça c'est mon père spirituel, il y a déjà un problème avec cette appellation, n'est-ce pas? Effectivement. Si quelqu'un dit que voici mon enfant spirituel dans la foi, il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 1, là, il dit que mon enfant légitime en la foi. Et tout à l'heure, on va aller dans les 16 écritures, voir pourquoi il l'appelle ainsi. Continue ton développement, mon cher frère. Donc, justement, je me balais sur ça, parce que autant dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, chapitre 4, verset 6, qu'il n'allait pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, on ne voit pas cet échange là, où on n'a pas vu Timothée appeler l'apôtre Paul mon père spirituel. Donc, si, normalement, dans ce cas-là, il fallait se limiter, seulement dans ce cas-là, je pense que c'est arrêté. Maintenant, quand je pose la question à ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce terme-là. Généralement, ça revient au fait que je l'appelle mon père spirituel parce que c'est par lui que j'ai connu le Seigneur, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. Oui. Et j'ai m'amusé à dire, je crois que tu l'avais aussi dit dans un des enseignements, ça veut dire que si c'est que je suis venu au Seigneur par un tract ou par la télévision devient par conséquent mon père spirituel parce que c'était par lui, par ce canal-là que j'ai connu le Seigneur. Donc, c'est la question. Voilà. Voilà pour ma part. Frère Benjeni, même question. Cette question de père spirituel, fils spirituel, tel que c'est dit aujourd'hui, bon, déjà, la Bible ne connaît pas de père spirituel, de fils spirituel. Et comme le frère Stéphane a dit, l'apôtre Paul appelle Timothée son enfant dans la foi. Son enfant légitime. Son enfant légitime dans la foi. Et c'est également la même mention. C'est également dans le même sens qu'il parle, par exemple, de Philémon comme étant celui-là, comme étant le fruit de ses entrailles, faisant comme ça allusion toujours à l'évangile, à la foi qui les unit tous ensemble. Et plus loin dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 5, là, il dit « Quand bien vous aurez même 1000 maîtres en Christ, oui. » Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, oui. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Mmh. Or, on sait également que l'apôtre Paul a dit qu'il s'est permis d'annoncer l'évangile même là où Christ n'avait pas été mentionné. Mmh. Donc, c'est en fait en ces choses qu'il parle, en fait, c'est par rapport à la foi qu'il est commune, qui parle en fait de paix, qui parle en fait de paix là. Et pas, de, pas dans le sens qui est utilisé aujourd'hui, où le paix spirituel, où on dit paix spirituel, déjà paix spirituel n'existe pas, mais les gens prennent cette connotation pour en fait dominer sur les autres d'un certain côté. Et c'est le volet qui va ressortir, et c'est dans ce volet qu'on va ressortir en voyant que, comme je dis souvent, les hérésies sortent de la Bible. On va prendre quelque chose, on va déplacer et décaler un peu. Vous allez voir là où ça va en tenir. Donc, on va sortir sur cette notion de comparaison là maintenant. Déjà, dans l'être de l'apôtre Paul, est-ce que dans cette signification de mon enfant légitime dans la foi commune, comme il a dit dans le livre de Tite au chapitre 1, dans 1 Timothée chapitre 1 également, est-ce que dans cette notion et dans le livre de Corinthiens et Galates qu'on voit, est-ce qu'il est question quelque part où l'apôtre Paul réclame cette paternité pour lui pour se lever au-dessus des autres? Non. En fait, l'apôtre Paul ne réclame pas cette paternité là pour se lever au-dessus des autres. Parce que dans le même livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 5, il dit « Qu'est-ce donc Apollos, qu'est-ce donc Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, il ne se fait pas de cela plus spécial que Paul ou Apollos, lui s'est dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. Donc, c'est en fait de telle sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Or, c'est en fait l'inverse qui est en fait présenté aujourd'hui dans, sur la scène avec les différentes appellations de père spirituel, fils spirituel. Voilà. Maintenant, je pose la question. D'après ce qui est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 17, où l'apôtre Paul dit que même si vous avez 10 000 mètres, vous n'aurez pas de vous aurez seulement un seul père parce que c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. D'après cela, l'apôtre Paul serait le père qui est engendré parce que l'engendrement vient de père, n'est-ce pas? C'est le porteur de l'initiation, de la puissance de Dieu qui a engendré les gens dans ces contrées-là. Maintenant, en examinant ça comme ça, en regardant comme la définition qu'en font les apôtres modernes et les pasteurs modernes qui aiment la suprématie au-dessus des autres, ouvrez Actes des Apôtres chapitre 16. Je suis. Voilà mon frère. Si les autres y sont. C'est ça, si dans et à l'extérieur des spans de la sainteté, nous mangeons de bons repas, pas vrai? Quand on partage la parole comme ça, c'est vraiment de bons repas, pas vrai, mon frère? Amen, amen. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16, les trois premiers versets. C'est la première rencontre de Paul avec Timothée. Exactement. Lis-nous ça, mon frère. Je lis. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Oui. Fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Oui. Paul voulut l'amener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par des villes, ils ont repris les décisions des apôtres des anciens de Jérusalem. Amen. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient le nombre de jour en jour. Donc, les saints Écritures nous disent clairement. Quand l'apôtre Paul a rencontré Timothée, il était déjà disciple. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Amen. Alors, ça veut dire que la connotation mon enfant légitime dans la foi, ça a une autre définition, c'est un autre langage qui n'a rien à voir en disant que l'apôtre Paul a prêché, comme il le dirait ici dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17, pour ceux de Corinthe qui étaient vierges et qu'il est venu faire, il était le dépositoire de la parole de Dieu dans cette zone-là. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il a nous appelé ici par enfant légitime en la foi commune, pour le cas de Tite au chapitre 1 là. C'est la même chose qu'il va dire à Tite. Et Tite également, c'est quelqu'un qui va rencontrer, c'est toujours un autre grec qui va rencontrer, si vous lisez le livre de Galates chapitre 2. Donc il a rencontré Timothée étant déjà converti. N'est-ce pas frère? Oui. Amen. Maintenant, lisez le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens. La sœur Carole est là. Amen, frère. Petite bénisse. Verset 1, 2 et 3. Amen. Qui peut nous lire alors cela? Parce qu'on va lire quelques versets là. Verset 1, 2 et 3 d'abord. Je lis. Oui. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus. Que la nous rendons finalement grâce à Dieu pour vous, tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, oui. Le travail de votre charité, oui. Et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Amen. Ouais. Je vous pose la question, qui est l'auteur de ce livre? Paul. Vous êtes sûr? Paul, Sylvain et Timothée. Voilà, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Parce que la suite de ce que nous allons voir maintenant dépend de cela, de cette compréhension-là. Vous allez remarquer que si vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, vous allez voir quand l'apôtre Paul parle de lui-même, il utilise la première personne. Je. Dans Romains 16, on a lu tout à l'heure, je vous recommande Phoebe, qui est diaconé de l'église centrée. D'accord? Mais ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 particulièrement, il introduit la Bible, enfin, il introduit le livre comme étant un co-auteur de cette chose-là. Ça ne veut pas dire que chacun a pris ses plumes pour écrire. D'accord? Maintenant, regardons. Alors, vous m'attendez, n'est-ce pas? Maintenant, lisons le chapitre. Ça dérange un peu. C'est quand même terrible. Lisons le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. Du chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Cette fois-ci, du verset 1 jusqu'au verset 12. Et on va voir quelque chose là. Gardez à l'esprit la question que je vous ai posée. Qui est l'auteur de cette lettre? Vous avez dit Paul, Sylvain et Timothée. Maintenant, l'implication va être là maintenant. Je continue. Vous savez vous-même, frère, notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au lieu de dire combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Stop d'abord, frère. Nous avons souligné ce dernier passage-là. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Comment écrit apôtre? Je recommence encore la question. Vous m'entendez bien? La sœur Emma est là? Je suis là. Ok, merci beaucoup. Merci, les gratins suisses nous manquent. Alors, comment est écrit apôtre dans ce passage? Au pluriel. Au pluriel. Il fait référence à qui? À Sylvain et Timothée. Voilà. Donc, lui-même. Donc, ça veut dire que Sylvain était apôtre. Timothée aussi était apôtre. Vous ne voulez pas parler. C'est pas, vous avez peur comment? C'est pas là. Apôtre. Les trois étaient apôtres. Voilà. Les trois étaient apôtres. En réalité, il y en a 21 apôtres dans la Bible, dont la Bible fait état. 21. Donc, dans un autre enseignement, nous allons les surveiller tout. Mais je voulais que vous voyez, c'est pour ça que j'ai demandé qui sont les auteurs de ces livres-ci. Parce que le « nous » a son sens ici. Maintenant, continuons la lecture maintenant. Et souvenez-vous de souligner, nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Comme les apôtres de Christ. Étant les apôtres de Christ. Amen. Allons-y, mon frère, mes frères, allons-y, lisez, continuez la lecture. C'est vraiment un bon repas que nous mangeons aujourd'hui. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même, une nourrice prend un tendre sur ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, mis et vous à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Amen. Arrêtons là-bas. Vous exhortons. Non, arrêtons d'abord. Sur cette base-là, Timothée aussi est un père spirituel. Au sens des évangéliques de cette époque-ci, pour l'église de Thessalonique, n'est-ce pas, frère? Ah ouais. Mais maintenant, l'apôtre a expliqué quelque chose ici. C'est vraiment dit que la prédication de l'évangile, ceux qui portent l'onction, la direction pour évangéliser, sont exactement comme les pères qui donnent la nourriture à ses enfants, l'éducation aux enfants pour les faire grandir. C'est dans ce sens-ci seulement que Dieu leur a accordé cette grâce-là. C'est seulement dans ce sens-là. Parce que souvenez-vous, la paternité physique sur la terre a une explication. Lorsque vous êtes père, Dieu vous donne comme ça son attribut. Vous le vouliez ou pas, votre comportement change vis-à-vis de vos enfants. Vous avez un style de comportement avec votre enfant, un style de comportement avec votre femme, un style de comportement avec votre mère, un style de comportement, parce que ce sont des attributs différents du Seigneur. Celui qui est père d'enfant, lorsqu'il a son enfant, vous allez toujours voir cette tendresse et cette soif-là pour que ton enfant grandisse, pour être quelqu'un demain, pour grandir dans la droiture. Chaque père aimera que son enfant soit fort, dirigeant, quelqu'un qui est respectable, respecté, qui est bien dans la société. Voilà ce que chaque père voudra pour son enfant. C'est exactement ce que le Seigneur fait. Donc le Seigneur a donné sur le plan naturel cet attribut-là aux hommes. Mais sur le plan spirituel maintenant, il a donné plus encore cela à ceux qu'il a appelés pour engendrer selon l'évangile. Et avec cet évangile-là, donc, on communique la grâce de Dieu, l'amour du Père sur les hommes en les prenant, en les chérissant comme les enfants. C'est de ça dont l'apôtre Paul parle, mon grand frère. Alors ici, il dit au verset 10, il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Verset 11, vous savez aussi, c'est ce qu'il dit, que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Puis il commence à expliquer maintenant. Il a dit, quand il parle de père et des enfants, sur le plan naturel, on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous sommes là pour pouvoir vos besoins. Dans le 2 Corinthiens chapitre 13, chapitre 12, il va dire que ce n'est pas au père d'amasser, aux enfants d'amasser pour le père, mais c'est au père d'amasser pour les enfants. C'est pour ça qu'il dit clairement qu'il va se sacrifier pour eux, juste, même s'il est moins aimé par eux. Ils ne comprennent pas que, parce que le but pour eux, pour lui, c'est que, et comme il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, qu'il ne souhaiterait pas que ce jour-là, il ait honte devant le Seigneur. Parce que son but, c'est donner tout ce qu'il a de son potentialité, de ses potentiels et de ses, quoi, et de ses talents, afin que les gens soient meilleurs pour le Seigneur. Lorsqu'ils seront meilleurs pour le Seigneur, ce fruit-là donc, sera donc ce qu'il appelle la couronne de gloire, le jour où Christ viendra. Je ne sais pas si vous me saisissez ici. Donc après avoir dit, nous avons été pour chacun de vous. Et il ne dit pas que, ici, gardez-vous bien le point. Il ne dit pas que j'ai été pour chacun de vous. Il dit que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. N'est-ce pas, frère? Et par conséquent, l'apôtre Timothée a été comme un père pour ceux-là. L'apôtre Sylvain a été comme un père pour ceux-là. Et Sylvain aussi. Oui, l'apôtre Paul a été comme un père pour ceux-là. Il est comme un père en tant que charge que Dieu a accordé sur le plan spirituel pour leur vie spirituelle, tout simplement. Il n'est pas leur père spirituel, c'est pas ce que ça veut dire. Non, ce n'est pas cela. Le seul et unique père spirituel, c'est le Seigneur. C'est lui le seul. Gardez-vous à l'esprit que le prédicateur est utilisé par le Saint-Esprit. Gardez-vous à l'esprit que ce n'est pas le prédicateur qui décide de faire que quelqu'un soit engendré. Gardez-vous cela à l'esprit. Que naître de nouveau ne devient pas d'une volonté d'homme. Mais ce sont les instruments que Dieu a choisis, comme il a appelé l'apôtre Paul. Il n'a pas dit que c'est un enfant que j'ai créé pour qu'il m'a engendré. Non. Il a dit que c'est un instrument que j'ai choisi, par lequel il veut me révéler. N'est-ce pas, mon frère? Mm-hmm. Comment le frère Stéphane, tu es pensif et dubitatif, pourquoi? Non, je suis attentif plutôt. Ok, que le Seigneur te bénisse. Alors, donc, dans ce verset 11, l'apôtre Paul dit donc, l'apôtre Paul, Timothée et Sylvain disent que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Maintenant, il va expliquer donc comment ils ont été. C'est le verset 12 qui le dit maintenant. Comment ils ont été comme un père pour les enfants. C'est le verset 12 qui explique donc cela maintenant. Allons-y, continuons. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de demeurer d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son règne et à sa gloire. Voilà. Donc vous voyez effectivement la part. Non, c'est bon. Donc, nous voyons que le verset 12 dit clairement comment ils se sont montrés comme un père pour ses enfants. Et il va parler, et l'apôtre Paul et les autres vont dire clairement qu'ils étaient tellement chers à leur cœur qu'ils pouvaient enlever les yeux pour leur donner si c'était possible. Parce que l'amour surabondait. Pas étonnant qu'au Thessaloniciens, si, dans les Thessaloniciens chapitre 4, le verset 9, il va leur parler que comme ils ont appris de Dieu lui-même à s'aimer les uns les autres, qui grandissent toujours dans cet amour-là. Vous voyez, c'est une église qui a essayé de manifester dans la puissance du Saint-Esprit en réalité. Parce que c'est un territoire vierge où Dieu a confronté les prophètes de Baal là-bas et autres. Et puis il a détruit toutes ces idoles-là dans la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, regardez ce qui se passe. L'apôtre Paul, Silas et Sylvain disent ici clairement que, verset 12, en exhortant, en consolant et en conjurant les Thessaloniciens à marcher d'une manière digne de Dieu qui les appelle à son royaume et à sa gloire. Il s'est comporté comme ça, comme un père le fait pour ses enfants. Amen. Amen. la sœur Linda. Frère Junior. Oui. Une question de la frère, de la sœur Linda. Oui. Est-ce qu'on peut aussi le comprendre à partir comme le verset de Matthieu chapitre 23 verset 8. Oui, qui est, verset 9, qu'on n'appelle jamais personne sur la parle terre. Parle de n'appeler personne. L'autre père. L'autre père. C'est donc pour cela que vous n'allez pas voir quelqu'un justement dans les Saintes Écritures que. Que l'apôtre Pierre n'a pas, enfin, l'apôtre Timothée n'appelle pas l'apôtre Paul dans la Bible son père. Encore, on pourrait dire qu'on n'a pas vu l'épître que Timothée a appelé ou Timothée a parlé, mais peut-être quand il s'est rencontré, c'est comme ça qu'il s'appelait. Mais c'est que les disciples faisaient dans la Bible, on voit effectivement que c'est frère qui s'appelait. Alors, la notion du père ici se trouve justement dans ce livre de Matthieu, chapitre 8, vous en, chapitre 23, verset 8, dont vous en avez fait état ici. Ça parle justement du côté spirituel. Parce que sur la terre, on a des papas. Vous voyez, dans le livre de Hébreux chapitre 12, la Bible nous explique clairement, parlant du châtiment du Seigneur, que lorsque le châtiment du Seigneur châtie, c'est parce que nous sommes des fils qui nous châtient, pourquoi on participe à sa sainteté. Il dit que après prendre l'exemple des papas sur le plan naturel, il dit que d'abord que nos pères eux-mêmes nous ont châtiés quand nous étions dans le monde pour notre bien. Il le faisait comme cela, pas pour notre mort. Il dit de même, le Seigneur le fait comme ça. Donc on voit effectivement que le châtiment que nous donnaient les papas, nos papas sur la terre, enfin pour ceux qui ont eu les grâces de père d'être châtiés, c'était un autre plan de Dieu sur le plan spirituel. Donc, dans Matthieu chapitre 23, il n'est pas question de papa sur le plan naturel, mais de papa sur le plan spirituel. Donc, exactement, écoutez très attentivement. Si les évangéliques reprochent aux catholiques du fait qu'ils appellent les prêtres pères, et qu'ils le font aussi en disant, voici mon père spirituel, ils sont identiques à l'église catholique. Parce que ce qu'ils reprochent à l'église catholique, c'est ce qu'ils font sans le savoir. Vous m'avez suivi? Mon père. Oui. Mon père. Voilà. Donc, vous voyez, pour les catholiques, ils se limitent seulement à père, sans compliquer la tâche. C'est eux qui partent loin encore plus davantage pour dire que père spirituel. Si quelqu'un est père spirituel, Dieu dans lui, il est quoi? Je veux bien que vous me dites cela. Il est grand père spirituel. Parce que la Bible l'appelle le père des esprits. N'est-ce pas, frère? Il dit bien que si nous sommes des pères spirituels, Dieu lui, il est quoi? Souvenez-vous que ce n'est pas un apôtre qui engendre. C'est le Saint-Esprit au travers de lui qui le fait. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1 que l'engendrement n'est pas fait par une volonté d'homme, ni par une volonté d'homme sur la terre. Comme si quelqu'un pourrait dire sur la terre, je décide, je ne te fais pas naître de nouveau. Que non. Dieu n'a pas laissé ça, ce pouvoir-là aux hommes. C'est lui qui le fait. La Bible déclare qu'il nous a fait engendrer selon sa volonté, par la parole de vérité. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il ne donnera pas sa gloire à aucune personne. Souvenez-vous également du fait que Dieu n'est pas un grand père. Même si vous avez 84 ans dans la foi et que vous engendrez des gens et que les gens engendrent des gens, vous êtes tous du début, le plus jeune jusqu'au plus vieux, des frères. C'est choquant. Les gens peuvent dire que c'est le manque de respect. C'est choquant. Mais nous sommes tous quoi? Frères. Parce que l'esprit qui se trouve dans le frère Benjédit, dans le frère Stéphane, dans chaque frère, même si tu as 147 ans comme Jacob et que tu es sur le lit pour adorer, tu t'appuies sur ton bâton pour adorer, tu es quand même frère. C'est vrai, on dit que si mon fils est chrétien, mon fils que je vois ici, Josué est chrétien, on va au ciel, vous allez l'attendre fatigué qui vous appelle, oh papa, papa, il n'y a pas de papa là-bas, c'est frère. Souvenez-vous de cela. Là-bas, il n'y a pas de papa. S'il y a papa là-bas, il y aura un grand-père. Dieu n'est pas un vieillard. Un grand-père, non. Il est père. Fin de citation. Amen. Je réponds à Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu est père de tous. Voilà. Et vous voyez que dans ces Éphésiens chapitre 4, justement, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, il va nous dire clairement là-bas qu'il est monté, donc il a amené le captif, il a fait les dons aux hommes. Ce sont ces dons hommes-là qu'ils appellent apôtres, ainsi de suite. Il dit pour le perfectionnement des saints. Donc, l'apôtre est saint, les autres sont saints, mais ils ont une grâce spéciale pour pouvoir perfectionner les autres pour qu'ils grandissent en la maturité. Je ne sais pas jusqu'à là si on se comprend. En plus de cela, nous allons observer maintenant que dans la rigueur des Saintes Écritures, en aucun cas, ni dans aucun lieu de la Bible, les apôtres et ceux qui étaient des engendreurs par l'évangile, ou mieux ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger les regards, n'ont jamais, ne se sont jamais érigés au milieu des gens sur qui Dieu les avait établis. Remarquez ce que l'apôtre Pierre, notre grand frère également, dit dans 1 Pierre chapitre 5. Il dit, voici les exhortations. Il y a des bruits chez la Suissesse. Il y a des bruits, il y a des bougies, quelque chose là. Dans 1 Pierre, dans chapitre 5, le verset 1, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. L'apôtre Pierre ne se présente pas là-bas comme le grand ancien, celui qui est grave, qui a suivi jusqu'à donner la clé. Non. Dans Actes chapitre 11, à l'issue de la visite chez Corneille, lorsqu'il va revenir à Jérusalem, les apôtres qui étaient les frères qui sont là vont justement lui faire des reproches qu'il a entré chez les gentils, chez les païens, et il a mangé avec eux. La Bible déclare que l'apôtre Pierre s'est mis à leur expliquer de façon suivie ce qui était arrivé. De façon suivie. Il n'a pas dit que vous êtes qui? Vous êtes mes enfants, tais-toi. Non. Il n'a pas dit cela. Donc je recommence encore. En aucun cas dans les Saintes Écritures, des gens qui ont été des engendrés comme l'apôtre Paul, Pierre, Jacques et autres là-bas ne sont jamais érigés au-dessus des gens sur qui Dieu les avait envoyés. Donc, autrement dit, aucun des titres qu'ils avaient, aucune des grâces qu'ils avaient ne les élevait pas et ne se sentait jamais au-dessus des autres. Mais aujourd'hui, justement, les titres et la titromanie qu'on a mis au milieu chrétien, c'est justement à celui-ci pour but de séparer les uns des autres et de montrer que certaines personnes ont une qualité spéciale dont on ne peut pas les approcher. C'est donc pour cela qu'ils vont faire des estrades et vous voyez effectivement comment ils mystifient même les estrades. Avec raison, justement, parce que les mauvais esprits s'y trouvent. Que dans les estrades là, la chaise là est spéciale, ne montez pas là-bas. Il ne faut pas monter là-bas, il faut être sanctifié. Il faut que Dieu t'appelle dans le songe pour que tu puisses y monter. Vous voyez ce qu'on en est, n'est-ce pas? Et donc, nous pouvons donc voir dans la Bible, un garçon appelé dans la Bible Diotref, qui aime à être premier dans les assemblées. Il aimait les premières places, la prééminence. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous m'avez suivi, vous m'avez bien compris. Soyez bénis. Prenons toujours une respiration musicale. Et on revient tous après. Respiration musicale, on y va. la soucoupe. Ne vous inquiétez pas. Même si la connexion fait n'importe quoi, nous, on est ensemble ce soir-ci. Juste là. Le frère Alex, bonsoir et bienvenue. Oui, bonjour, frère Junior. Première chose, mets ta caméra, on ne te voit pas et tu vois les autres. Et tu me vois également. Ça va? En fait, comme il n'y a pas encore, comme tu l'as dit, c'est sur le mobile que je me connecte. Et ça me fait défaut l'image, ce qui fait que voilà. Oui. Ouais, en venant ce soir, si tu disais que, ok, allons se connecter, comme depuis, chaque fois, ils ne se connectent pas, ce soir, c'est peut-être, tu ne savais pas qu'on était là. Effectivement, parce que j'ai comme l'impression que, voilà, l'Espagne est un peu abandonnée, c'est ce que je pense au fait. Mm-hmm. Et que chaque fois que, voilà, bon, on se connecte, il n'y a pas vraiment de réunion et tout, bon. J'avais même voulu que, si le frère Junior, en quelque sorte, pouvait... mais inscrit à d'autres, comme on peut le dire, dans d'autres, avec d'autres frères dans d'autres pays, peut-être que j'allais encore plus m'avantager par rapport aux enseignements. Oui. Parce qu'en Espagne, on a comme l'impression que voilà, on a chaque fois des problèmes et tout. Mm. Donc c'est difficile d'avoir des enseignements en tant que tel. Donc ici, c'est la réponse que tu fais au père spirituel, le frère Stéphane et le frère Jean-Marie, voilà, le jour quand je ne suis pas là, personne ne veut travailler, et voilà, dans le prologue, au point où tu veux fuir l'Espagne pour aller te retrouver dans d'autres pays. Pourquoi ne pas vous arranger à partager également. Lorsque vous êtes connecté et que vous êtes déjà allé, vous savez que tel jour on doit se connecter, connectez-vous, commencez à partager. Vous avez, écoutez très attentivement. Vous avez, ce serait une mauvaise façon si vous venez chaque fois pour vous connecter à la réunion, tout simplement parce qu'il faut qu'il parle à la réunion pour écouter quelque chose. Vous risquerez d'être déçu. Et si vous venez un de ces jours et que le Seigneur veut seulement que nous prions tout simplement alors que tu voulais écouter quelque chose, au mieux que tu vous écoutes plutôt le témoignage de quelqu'un et que Dieu voit que ça se passe ainsi. Ou bien qu'on raconte seulement des histoires. Exact. Pour pouvoir exhorter quelqu'un. Donc ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on se réunit, avant qu'on ne se réunisse, vous savez qu'on a réunion tel jour, préparez-vous dans la prière, dans la lecture. Le Saint-Esprit vous met les choses sur le cœur que vous pouvez partager. Ne venez pas seulement recevoir. Un de ces jours, mon pain va finir. Quand mon pain va finir, je vais quitter ce monde pour aller. Vous ferez comment? Tu vas maintenant aller dans notre groupe. Hein, frère? Donc, quand vous réunissez... Non, frère. Attends. On va attraper ton manteau. Vous allez attraper le manteau, hein? Vous allez attraper le manteau. Il va laisser passer quand on tombe ça au sol. Si vous voyez cela, c'est que je serai toujours là. Si vous ne voyez pas, c'est que je serai parti. Alors, frère Alex, bonsoir et bienvenue. Non, mais je crois que ce que tu viens de mentionner, c'est normal, hein, parce que bon, il y a comme l'impression qu'à chaque fois quand le frère Junior n'est pas là, voilà, c'est à peine si les autres sont là pour qu'on puisse faire. La dernière fois avec le frère Stéphane, on a échangé un peu, et ça m'a vraiment beaucoup, voilà, ça m'a fait du bien, parce que il y a beaucoup de points qui m'a orienté par la fin, nous avons prié, c'était bon. Amen. Pendant tout ce temps, le reste, bon. Mais tu m'as accusé que j'ai abandonné l'Espagne. Voilà. Que l'Espagne a abandonné. Tu m'as accusé comme ça. Non, le fait, c'est ce qui me venait à l'esprit. J'ai dit, mais comme tu as l'habitude de le dire, le coup de kiff, si même, j'ai comme l'impression que voilà, ils nous abandonnent ou quoi. Bon, chaque fois, quand je l'appelle, il ne croche pas, ou bien. C'est à la manière des maîtres chinois, c'est-à-dire les maîtres chinois aiment que les élèves cherchent par eux-mêmes pour grandir. Bon, il est comme l'impression qu'il est en train de faire à mon niveau. C'est chaque fois, bon, quand je l'appelle pour dire que bon, j'ai vraiment besoin d'orientation par rapport à certaines choses, il ne fait pas ça. Donc il dit, ok, il n'y a pas de souci, bon, si c'est dans cette logique, bon, moi-même je vais continuer à chercher, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc tu m'as appelé dans ton cœur. Tu m'as appelé dans ton cœur, coup type si là il dérange. Ok, merci beaucoup mon frère. Ah, mais ça vient de tes propres thèmes. Non, il ne fait que répéter. Il ne fait que répéter que je suis pour quoi. Il n'y a pas de problème. Merci, que Dieu te bénisse. Bonsoir et bienvenue alors. Ah, ouais. Nous voici à la table de partage et nous sommes prêts à partager. Depuis plus d'une heure, nous sommes en train de partager. Et tu viens d'arriver. Ouais. Mm-hmm. Je crois que nous avons déjà fait plus d'une heure, 20 minutes comme ça. Alors frère Alex, as-tu des questions, des préoccupations? Tu nous sais. Je crois qu'avant que nous prenions cette pause musicale où j'ai eu des problèmes de connexion, nous avons terminé avec le fait de, avec la quoi, le père spirituel, la notion de père spirituel. J'ai parlé de Diotref. Et puis j'ai dit, si les catholiques, si on interdit aux catholiques, les évangiles interdisent aux catholiques d'appeler les gens, les prêtres là, père, père, mon père, comme ils disent mon père, mon seigneur, et qu'ils appellent aussi leurs apôtres mon père, mon père, mon père spirituel, ils sont en train de faire la même chose comme les catholiques. Pas étonnant que la Bible les appelle, la Bible les appelle ses filles. Donc le frère Alex, la sœur Linda, c'est bon, n'est-ce pas, dans ce volet-là? Elle est connectée? C'est, oui, je suis connectée, frère. Ok, j'espère que tout le monde m'entend. Je disais... Oui, donc, ce n'est donc pas normal, après les versets que nous avons lus, que... D'abord que ce n'est pas normal qu'il y ait les dénominations. Et puis encore, lorsque on oblige les frères de s'appeler anciens pasteurs, c'est obligé. On doit se baisser, on doit se courber, on doit, je ne sais pas, obéir à ce que l'apôtre dit absolument. Parce que moi, mon cas particulièrement, l'assemblée, bon, la dénomination que je fréquentais, en fait, tout était comme l'apôtre disait, tout était comme exactement comme il fallait qu'il sa dise. Vision. Donc, oui, c'est dans la vision. Et lorsque nous ne faisions pas ce que les livres disaient et tout, donc nous étions taxés d'enfants peut-être rebelles, bien que nous n'avions pas adopté la vision, et puis qu'on était un peu comme rejetés, ou un peu comme lorsque nous sommes à l'école, sur les bancs, on nous dit, bon, vous n'avez pas fait les devoirs, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je suis sortie de là très, très, très, très frustrée, et franchement, c'est un gros travail. Je rends grâce à Dieu parce que il y a certains enseignements aussi sur Bamba et Bassa, c'est donc je recommence tout, quoi, parce que ça a créé en moi comme un rejet de doute, et puis je me suis retrouvée comme quoi je sais même plus comment prier, je sais plus qui prier, je sais pas, comme dans un carrefour, parce que à chaque fois que je vais commencer, je me dis mais j'ai déjà pu faire ça, parce qu'à chaque fois j'essayais, mais franchement, il y avait des choses comme la femme pasteur, des choses que franchement, même sans avoir la connaissance, ça choquait toujours avec mon esprit, quoi. Et là, je me retrouve franchement butée, je suis vraiment fatiguée, je suis en train de recommencer, et franchement, c'est pas évident. Je suis dans la prière, dans le jeûne, mais toujours est-il que ce n'est pas facile, quoi. On nous appelait les diacres. Je ne comprends pas, parce que lorsque je regardais la vie de l'apôtre, de son épouse qui est appelée pasteur, je vois vraiment leur amour pour le Seigneur. Je me demande, Seigneur, ces gens-ci tous sont dans l'erreur, ils vont aller en enfer. Comment est-ce que c'est possible? Parce que ce sont des gens que et je vois qu'ils se donnent, ils se plient, ils veulent vraiment. Mais je dis, mais Seigneur, est-ce que franchement, il n'y a pas moyen d'ouvrir les yeux? C'est moi celle qui suis en train d'ouvrir les yeux dans toute cette assemblée. Je n'arrive pas à croire. Donc, je ne sais pas, je ne sais même plus comment prier. Parce que je me dis, ces gens qui ils sont tout laissés, même le boulot et tout, cette vie de l'Europe est difficile. Je vois la manière avec laquelle ils se donnent, je dis, mais ils se donnent à ce point. Et s'ils sont dans l'erreur, et tous ces gens que je vois, et ces grandes églises et tout, tous les jours ils viennent prier et tout, ils sont dans la parole, mais qu'est-ce qu'ils lisent donc? Et moi aussi j'étais là-bas, donc je suis sortie, et maintenant je suis tassée de. En fait, tu auras telle malédiction parce que tu ne viens plus, tu auras ceci, l'enfant que tu as eu, il faut repenser à ça. Donc tout ça, je mets devant le Seigneur, mais sincèrement, s'il n'y avait pas les enseignements, je serais terrifiée. Je suis juste en train de sortir de cette étape j'étais tellement terrifiée, j'avais même peur à un moment, je n'arrivais même plus a laissé mon enfant, je dormais même dans la nuit, je courais pour regarder l'enfant, dire mais il peut lui arriver quelque chose tellement ils sont en train de dire que je ne verse pas la dîme, je ne vais plus au temple, donc je ne sais pas, je suis resté mon dieu Seigneur, toutes ces malédictions qu'ils sont en train de me lancer là, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est et tout. Donc, mais pas à pas, j'essaye un peu de suivre les enseignements, mais franchement, ce n'est pas évident, quoi. Donc, ils ont déjà commis beaucoup de malédictions parce que tu as quitté l'assemblée. D'autres parlent de la couverture spirituelle. Donc, tu as quitté ta couverture spirituelle, tu es vulnérable. Justement, là, j'avais oublié ce thème aussi, oui. De couverture spirituelle. Mmh. Donc, comme je n'ai plus de paix spirituelle, je n'ai plus de couverture spirituelle. Je suis une mauvaise mère pour ma fille parce que, en fait, comment est-ce que dans l'assemblée, je n'ai pas donc je n'arrivais pas à m'étendre, comme il disait, et puis, toute seule, qu'est-ce que je crois? Donc, est-ce que je peux suivre? Est-ce que le Seigneur peut me parler à moi toute seule? Est-ce que je peux trouver le Seigneur toute seule? Est-ce que, donc, franchement, c'est un boom dans ma tête. Et ça, franchement, j'ai subi un coup, quoi. Et maintenant, qu'est-ce que tu en dis maintenant? Au niveau où tu te trouves, qu'est-ce que tu en dis avec ce que tu as suivi, avec la rétrospection, en passant tout cela en revue dans ta tête, avec tes années passées? Ce que moi, je suis en train de... Bon, c'est la raison aussi pour laquelle je tenais à ce que nous puissions finir les questions que j'avais pour franchement éradiquer tous les doutes que j'avais. Oui, pose-les. Je pense que... Oui. Oui, je pense maintenant que... je pense que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'il y ait des paix spirituelles. La parole là nous le montre. Ce n'est pas vrai que forcément il faut aller dans une assemblée. Et il y a toujours une fois j'ai même posé la question au pasteur, qui était pasteur après apôtre, je lui avais demandé, parce qu'il y avait des livres qu'on devait suivre pour le discipulat. Il y avait, en fait, un jour, je lisais et clairement, il avait écrit, c'est on ne devient pas disciple par sa volonté, mais sinon par le Saint-Esprit. Et je lui avais posé la question de savoir à quoi servent donc toutes ces écoles? Pourquoi nous sommes donc ici dans ces écoles? Et cette semaine même qui est passée, qui s'est écoulée, j'avais encore ça, c'est en fait l'esprit m'a encore rappelé ça, parce que je suis en prière par rapport à tout ça pour vraiment, je sais pas, comme un lavage, je veux vraiment, je prie en fait le Seigneur, je veux qu'il m'enlève tout ce que j'ai reçu, tout, et qu'il me mette sur le chemin, parce que franchement, ça m'a fait basculer, ça m'embrouille, et puis je veux vraiment être correcte. Et je ne veux plus de mensonges et tout, je prie. Et cette question que je lui avais posée, qui m'est revenue à l'esprit, je lui avais vraiment demandé, à quoi servent donc ces écoles? Si c'est clair que ce n'est pas le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit a donc besoin que nous nous asseyons ici? Qu'est-ce qu'on fait donc? Et il m'avait dit à deux reprises que je vais répondre à cette question, et je n'ai jamais eu de réponse à ma question. Donc, au regard de tout ceci, je prie juste que le Seigneur puisse me laver de tous ces déchets. Tous ces déchets, parce que franchement, c'est... Un moment, je ne sais même plus comment ni quoi prier. Non, pas quoi prier, mais comment m'approcher du Seigneur. Je ne sais même plus. Je ne sais plus parfois. Mais bon, les enseignements et puis le Seigneur fidèle, parce que... Même quand le doute vient, le Seigneur finit toujours par me relever. Mmh. Donc, j'ai souhaité vraiment qu'on pose ces questions pour des frères qui certainement sont passés par le même chemin que moi, afin que la vérité jaillisse. Je crois que les frères sont là. Bien pour toi, ma soeur. Oui, les frères sont là, ils écoutent. Oui, frère Jean-Marie. Amen. Je porte un don là pour elle. Amen. Merci. Il faut suivre cet enseignement-là, ça va beaucoup t'aider. Amen. Des questions? Vous voyez, la Bible déclare dans le livre comment mon frère? Demande comme elle déclarait beaucoup de questions, c'est la fin avec toutes ces questions. Voilà, quand on est plus là par oui, bon, c'est ça, c'est en fait c'est tout ça, c'est le problème de nettoyage et de direction. J'en ai terminé. Merci, Shalom. Que Dieu te bénisse. La Bible déclare qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tant qu'on ne parle pas selon les Saintes Écritures, tout ce que vous avez devant vous, c'est l'obscurité. Donc voilà pourquoi quand la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 6, les versets 17 et suivants, que sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc ça veut dire que si sont du milieu, tu es du milieu, tu vas porter ce qui est impur. Maintenant quand on sort justement, il faut le nettoyage. Il faut le nettoyage. Donc c'est ce processus-là. Remarquez très attentivement, tous ceux qui sortent, quand vous sortez d'abord premièrement, à un moment donné vous êtes dans le doute, vous êtes dans les nuages comme si... Vous avez comme impression que vous êtes coupé dans une source de terre enceinte, que si vous n'épatez pas là-bas, vous êtes perdu, comme on le dit, vous êtes maudit, vous êtes comme si vous avez péché au devant du Seigneur, mais ce n'est qu'une impression parce que là-dedans, on est dans un état de mental psychique qu'on a eu à vous conditionner pendant des années. Et ce n'est pas facile lorsqu'on sort de ce conditionnement. Quand on sort de ce conditionnement, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait été fermé dans une pièce pendant des années, et qui sort subitement dans une pièce, subitement dans une lumière. Première chose, il a de la confusion parce que la lumière est vive dans ses yeux et parce que ses yeux n'ont pas encore été habitués à la lumière depuis longtemps. Donc, quand ton esprit est conditionné par ces milieux-là, vous voyez, quand les gens s'asseyent, vous asseyez à 3, à 4, commencez à partager l'évangile, vous priez ou louez le Seigneur. Quelqu'un a une idée tout simplement de construire une estrade et puis acheter le tam-tam pour pouvoir faire les choses, acheter les baffles et autres là-bas pour pouvoir faire ces choses-là. Parce que par réflexe, ils savent que dans une assemblée, il faut qu'il y ait toutes ces choses-là. Donc, il faut vraiment qu'on soit déconditionné, nettoyé et enlever toutes ces choses-là. Effectivement. Que le Seigneur vous bénisse. Et lorsqu'on amène personne et le fait qu'on... En fait, ça m'a tellement refroidi aussi parce que on n'arrivait même pas... On nous interdisait même déjà la rigueur de visiter, de se visiter entre frères. Parce qu'on disait, oh, les esprits vont se mélanger, les gens vont mal parler des autres et tout. Donc, et moi, une personne, j'aime bien avec les frères. Pour moi, c'était, quand j'ai rencontré le Seigneur, parler du Seigneur, c'était le Seigneur était ma passion, et ma passion. Mais, on nous a interdit. En fait, je n'arrivais plus, je ne savais plus quoi faire, j'étais bloquée et tout. Donc, au lieu, donc ça m'endormait, ça me faisait plutôt du mal. Attends, ma soeur, je comprends un peu. Tendance à dire, laisser la parole du Seigneur. Oui, mais ma soeur, donc ça dit que les pasteurs. Oui, le pasteur. Excuse-moi. Oui, frère Alex. Si on peut lire 1 Pierre 4, verset 1 à 5, il faut que son problème à ce niveau. Oui, vas-y, lis, mon frère. Si la soeur pourrait lire ce passage-là, je crois que c'est relatif à ce qu'elle a entendu voir. Oui. 1 Pierre 4, verset 1 à 5 dit, ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Mmh. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, les voigneries, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Mmh. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mmh. C'est une manière de dire, vu qu'elle a changé d'aspect, le Seigneur seulement, comme le dit le verset 5, jugera ses derniers. Donc je crois pas qu'il faudrait pas que elle se mortifie l'esprit par rapport à tout ça, puisqu'il a vu que le Seigneur même a bien déclaré qu'il va, il va s'occuper de cela. Et elle aura les nouvelles par rapport à tout ce qu'elle a pu subir et tout ce qui a été dit à son niveau. Donc c'était un peu cela. Bravo mon frère, bravo, bravo, bravo, bravo. Que le Seigneur te bénisse. C'est bien saisi, n'est-ce pas ma soeur? Amen, amen. Ok. Merci. Des questions? Tout à l'heure, avant que le frère... Moi, les questions, il y en a assez. Oui, avant que le frère, Alex ne prenne la parole, tu disais que le pasteur disait de recommander aux chrétiens de son assemblée de ne pas se visiter les uns les autres, parce qu'en y allant, ils vont se mélanger les esprits. Quel esprit parle donc? Les chrétiens de son assemblée sont remplis de Saint-Esprit, remplis des esprits démoniaques. S'ils partent, ils vont mélanger les esprits, ce sera grave. C'est quoi cette histoire? En fait, il y a souvent ce que on appelle en assemblée la division de l'église. Alors, certaines personnes qui viennent diviser, d'autres qui se fâchent, qui partent, et puis comme l'important c'est de remplir l'église en quantité, non en qualité. Donc, ils s'évitaient souvent ce genre de rassemblement. Okay, parce c'est, pour, c'est pour éviter que le nombre ne diminue. C'est le commérage et tout. Mais qu'est-ce qu'il parlait par rapport à quand, en venant, vous venez avec les gens, vous sortez pour aller prêcher, pour amener les gens dans l'assemblée, que l'assemblée soit pleine, que les bancs ne soient pas vides. Qu'est-ce qu'ils en disaient? En fait, il y avait des jours spécifiques pour le faire, et aussi des recommandations comme un style de vie, de prêcher l'évangile. Et puis, lorsque il n'y avait pas comme... Comme on l'appelait là-bas, lorsque tu n'as pas de disciples, lorsque tu n'invites pas des gens ou des gens ne viennent pas, ça voudrait dire tout simplement que ta foi est plus morte ou que tu es foi. Alors, on nous demandait, j'ai dit aller, et lorsque je n'y allais pas, quand j'ai commencé à suivre les enseignements, j'ai commencé à me poser trop de questions. J'ai été taxée de rebelle, quoi. Donc, tu dois te soumettre à ce qu'on dit là-bas. Donc, au moment où j'ai arrêté d'y aller, parce que je me suis dit, comme l'apôtre Paul dit, ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, je n'y allais plus. Donc, je faisais plus que je ne comprenais pas. En fait, alors... Il y avait déjà, j'ai commencé à être rejetée, je recevais parfois la visite chez moi des anciens et tout, comme quoi j'étais froide et tout, du pasteur. Moi, je lui avais tout simplement dit, je veux prendre un temps pour me reconnecter au Seigneur, parce que c'est pas normal que je sois dans un lieu où on loue le Seigneur et que je me sente aussi mal. Et que, bon, si c'est vraiment ma place, comme vous le dites, ou que si c'est ce que le Seigneur veut, je dois manifester ce qui se manifeste ici. Si je ne manifeste pas, qu'est-ce que je fais donc? Donc, je préfère m'arrêter et prendre un temps devant le Seigneur. Bon, c'est comme ça que j'ai cessé d'y aller, mais... Franchement, ça n'a pas été facile avec tout ce que j'ai déjà expliqué, quoi. Mais il y a des jours pour le faire. Et franchement, on avait des réunions parfois. Il y a aussi un truc que je ne comprends pas. Si ce n'est pas le cas, comment se fait-il que tous ces pasteurs, ces apôtres peuvent dire, bon, le Seigneur m'a parlé que tu es diaconesse, que tu es tel. C'est quoi donc toute cette manifestation? Moi, je pose souvent la question au Seigneur dans mes prières. Parce que je dis, Seigneur, est-ce que tu vas permettre que toutes ces personnes qui croient vraiment que c'est toi qui parles, que c'est toi qui es là, tout ce qu'on se perd, en fait, moi, ça me choque, quoi. Voilà, que Dieu te bénisse. De toute façon, ma soeur, tu es sortie de là, pense au nettoyage, demande au Seigneur de te nettoyer comme tu le fais, et puisse-t-il te nettoyer et Amen. Te remplir de son esprit comme il le fait, d'accord? Voilà l'étape où l'église se trouve après deux siècles. Après ton appel. Ouais. Comment mon frère? Amen. Dans la vidéo là. Ok. Donc le frère Jean-Marie t'a envoyé certainement okay. Un lien là-bas pour toi spécialement. Que Dieu vous bénisse pour votre contribution. Des questions. Le frère Alex Amen. Disait tout à l'heure qu'il avait une bibliothèque de questions. Oui. Moi, il n'y a pas une question, il y a des questions. C'est t'inquiète, pourquoi. T'inquiète pas, je ne suis pas seul ce soir. Il y a les frères sont là. Il n'y a pas vraiment de pouvoir. Ok. Parce que, bon, c'est concernant la Bible. Une fois, j'ai eu à lire un peu la Bible. Surtout Ézéchiel et Élisée, ce sont les deux prophètes vraiment qui m'ont beaucoup marqué dans la Bible. Et par rapport à ce que Dieu faisait avec eux, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Mais de nos jours, je vois que voilà, je ne sais pas si c'est nous qui avons un problème avec par rapport avec la parole de Dieu ou bien avec l'Esprit de Dieu. Mais la première fois que je lis ces deux prophètes-là, je me demande mais comment est-ce que ces hommes arrivaient à comment à ce tel niveau avec l'Esprit de Dieu, puisque maintenant, bon, c'est vraiment déplorable l'état dans lequel nous sommes et tout. C'est à peine même si on arrive à manifester ce genre de choses que, comme il est dit, quand j'ai lu la parole de Dieu, ce prophète-là qui m'a vraiment marqué, Élisée, Ézéchiel, souvent il demandait au Seigneur si de la manière les utilisait, s'il pouvait m'utiliser comme ceci. Vraiment. Voilà, c'est une première question. Est-ce que c'est possible de demander cela au Seigneur? Mais tu l'as demandé déjà. Vraiment, il y a trop demandé. La première fois que j'ai lu, je les ai lus, j'ai demandé en même temps. Okay. Je demande, est-ce que la demande est logique? Oui. Le frère Alex, oui. C'est dommage qu'il ne te voit pas, mais toi tu me vois, n'est-ce pas? Exact. On t'a dit ce qui s'est passé à ta naissance, les circonstances de ta naissance, comment ça a été difficile tout autour? Bon, j'ai eu quelques échos que la vieille, bon, elle n'arrivait pas à enfanter, elle allait, je crois, voir, elle allait chez une eau. C'est bon. Et c'est bon, là-bas, c'est je crois bon, qu'il... C'est bon, il sait, d'accord. Pendant que tu parles, quelque chose passe au travers de ton lien que je vois là maintenant. Ceci a très... Okay. Bon, je ne sais pas si c'est bon de parler. Que Dieu nous aide tout simplement. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime tout ce qui est clair. Donc, il n'y a pas. Oui, c'est ça. Vous savez, j'entends ça chaque jour. Voici quelqu'un qui vient de répondre à quelqu'un ici qui m'avait dit Frère Junior, dis-moi, je suis prêt à écouter. Je lui ai donné les instructions en disant comme les instructions étaient trop dures. Et là, quand même, la personne m'a dit que non, écoute, ouais, que ça devait passer à telle ou telle direction. Bon, de toute façon, ce n'est pas pour toi. Le Saint-Esprit, vous communique qu'est-ce qu'il en est de mon cas. Oui, j'essaie. Donc, vous pouvez aller, allez-y, il n'y a pas de problème. Bon, remarque que tu as posé la question sur Ézéchiel et sur Jérémie. Subitement, j'ai parlé de ta naissance, des circonstances qui ont entouré ta naissance, n'est-ce pas? Ézéchiel et Élisée. Oui, mais si tu vois très attentivement, il dit quand tu as posé la question, je suis allé directement aux circonstances qui ont entouré ta naissance. Dieu merci que tu as su. Donc, il y a des choses qu'on doit poser en privé. Je crois que le frère Stéphane aime trop les choses comme ça, écoutez. On voit comment il est attentif là-bas, il veut écouter. Mais ce qu'il veut dire, c'est la façon dont le Seigneur t'a ramené dans la Bible, il voudrait te présenter quelque chose. C'est pour cela que je suis en train de parler de ces choses-ci. D'accord? Oui. Ok, mais puisque tu as dit que je parle, maintenant, lorsque... je peux te poser n'importe quelle question, n'est-ce pas? Pas de souci, pas de souci. Il n'y a pas de souci, voilà. Lorsque tu es... Les autres, je ne sais pas, mon écran, il ne sait plus où les autres se trouvent là maintenant. Les autres, vous me suivez? Oui. La sœur Carole est dans son coin. On te suit, frère. La sœur Carole est dans son coin. Oui, frère. Le frère Alex, lorsque tu es venu à Christ, tu me suis? Oui, t'entends. C'est à cet instant-là, clairement, que les esprits familiers de l'eau à boire donnée à ta maman ont commencé à te traiter. Comment tu ris, frère? Mais pourquoi ça, cet instant-là, qu'ils ont... C'est pourquoi ils rient. Durant tout ce temps, ils pouvaient, voilà, mais c'est pas... C'est pourquoi ça me fait rire, sinon que voilà, c'est une nouvelle information. Tu parviens à me voir sur ton écran? Oui. Tu vois qu'il parle des temps sereins, n'est-ce pas? Parce qu'il a mangé de bonnes paroles, la bonne nourriture. Donc je suis en forme, quoi. Tu m'as vu quand je mangeais là, non? Non, au fait, je voulais prier. Le Jésus m'a dit, est-ce que aujourd'hui tu... Aujourd'hui est quand lundi. Connecte-toi pour voir s'ils ne sont pas là. C'est pourquoi je me suis connecté. Bon, alors, l'eau, on s'est lavé avec l'eau. On a bu de l'eau, de cette eau, avec des portions. Et puis, c'est tombé sur toi. Maintenant, ça veut dire que tu fais le nettoyage. Donc, en clair, là où tu me parles, que je te parle là maintenant, tu as besoin de délivrance. En fait, c'est pourquoi une fois je vous avais appelé et voilà. J'ai pas décroché, c'est ça. Je sais pas si. Voilà. C'est pourquoi je me suis dit, ce dimanche, s'il veut que je cherche ma papa sur le comment. Parce que bon, il écoutait un enseignement, il a su que voilà, mais il appelle pour que puisse vraiment approfondir la compréhension que j'ai, mais si j'ai, comme on dit chez nous, il n'y a pas de souci. Logique là que voilà, je me détends que tel pour vraiment maintenir le cap, comme je l'ai dit une fois depuis que je suis arrivé. Est-ce que je suis les enseignements un peu partout sur YouTube et tout, et dans la méditation, donc voilà. Mais quand tu suis les enseignements, tu lis la Bible, tu sais que tu as besoin de délivrance, tu le sais toi-même dans ton cœur, non? Oui, parce que c'est un peu c'est le cas comme tu viens de l'évoquer sur les autres. Parce que il y avait pas plus tard que il y a des songes ou des petits rêves. Oui. Même sans avoir de relation avec une fille dans le rêve, le matin je suis mouillé en tant que tel. Oui. Je me trouvais c'est un peu bizarre au fait. Simplement le fait de voir une fille, comme on peut le dire, sans vêtements. Oui. Et voilà, je me suis dit, mais Seigneur, c'est que je suis atteint. Oui. Dans les rêves, c'est. Une fois, le Saint-Esprit m'a permis de prendre un moment de 3 jours. Et quand j'ai pris le moment, il lui a dit, mais comme tu lui avais dit, Seigneur, tout ce qui est dans moi, comme celui de prix, de déloger. Et il m'a fait comprendre que les parfums que j'utilisais étaient liés. Et c'est comme si dans le songe qu'il m'a montré, c'était au fait d'un esprit des eaux. Qui était dans les parfums que j'utilisais beaucoup et la pommade. Oui. Donc le lendemain, j'ai tout jeté. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui m'ont rappelé dans mon enfance. Oui. Et j'ai confessé, je me suis senti vraiment libre. Et j'ai pu vraiment comprendre la parole de l'apôtre Paul. Que voilà, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ce n'est plus que toi qui vis, c'est Christ. Je peux confirmer cette parole-là. Amen. Et j'ai vu que voilà, mais. Quelques jours après encore, quand je me suis couché, même pas, je sais pas. Il me dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va pas? Tu me montres, Saint-Esprit, que je dois prendre un moment de jeûne, je prends un moment de jeûne et ça continue. Donc, je suppose qu'il y a encore un problème quelque part que je ne maîtrise pas. Donc, voilà. Bon, de toute façon, tu seras libre parce qu'il ne peut pas faire autrement. D'accord, mon frère? Amen. Donc, tu dis, quand tu as suivi les enseignements, quand tu suivais la direction à l'intérieur déjeuner et demander au Seigneur, tu as fait la même chose, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ok, donc ce qui va se passer, c'est, je voulais te dire, à moi, il ne faut pas qu'on sorte du cadre de l'enseignement, comme c'est le questionnement. Ce qui se passe, c'est que tu as ta femme. Ta femme, c'est une vieille femme. Hein? Bah, sur quel plan? Un plan spirituel ou le plan physique? Parce que c'est important de comprendre. Oui, c'est important. Bon, c'est important de comprendre. Tu vois, mon cher frère, ton cas, c'est un cas école pour pouvoir demander aux gens qui nous écoutent de faire attention lorsqu'on est dans dans la soif d'avoir quelque chose. Dans ton cas, il était question d'avoir de l'enfant. Ce n'est pas toi le problème. Parce que toi, c'est un problème qu'on t'a cherché dans le monde spirituel pour pouvoir faire manifester ici. Donc, je parle ici parce qu'à cause de l'impatience de la famille, ta maman et ton papa, parce qu'on n'avait pas l'enfant, on a cherché cette voie-là pour avoir de l'enfant. Souvenez-vous, toi, tu ne viens pas du monde des ténèbres. Ce n'est pas ce que ça nous dit. Mais ce que ça nous dit, c'est comme il allait là-bas, ça s'est passé et quelque chose s'est passé avec toi. Tu as été attribué avec une maman. Avec une maman. Donc, ça veut dire que tu es marié normalement et tu es un chef. Tu me suis? Je suis marié comment? Parce que... Donc je continue dans mon spirituellement ou physiquement, en fait. Je continue dans même mes développements. Avec trois enfants à l'appui, mon cher frère. Donc je continue ce que je viens de dire. Oui, je viens de le dire. En réalité, ceci, c'est l'impatience qui se trouve dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là qui nous entraînent dans des voies. Vous voyez, il y a des familles qui peuvent aller divorcer à cause de cette manque d'enfance et la soif de vouloir avoir de l'enfant. Cette même soif-ci peut nous conduire dans des mauvaises. Ça, c'est le cadre pour celles qui veulent avoir de l'enfant. Il y a des gens qui veulent du travail par des mauvaises pensées. Au d'abord, tellement ils y pensent, tellement il faut absolument qu'ils aient le travail qu'ils peuvent rencontrer quelqu'un, un ancien ami qui est franc-maçon ou quoi que ce soit. On les entraîne dans des situations pour pouvoir avoir de l'enfant, pour avoir du travail. Donc, en réalité, dans ce problème, se trouve la problématique de l'impatience dans le cœur de l'homme. Il y a de l'impatience. Chaque personne, chaque manque qui est dans notre cœur, dans notre vie, et nous, ce que nous souhaiterons avoir, la Bible dit dans ce Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, qu'on ne s'inquiète de rien, mais qu'en toute chose, qu'on fasse connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et qu'on y persévère avec action de grâce. Donc, c'est ce que Dieu dit. Vous voyez, ce verset-là nous explique bien clairement la persévérance et la patience. Parce que si on présente nos besoins à Dieu, on doit y veiller avec supplication et action de grâce. En disant chaque fois qu'on va présenter ça au Seigneur, merci Seigneur parce que tu l'as fait. Dans le livre de Luc au chapitre 18, verset 1, il a dit qu'il leur donnait ces paraboles pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et il donne la parabole de cette femme-là qui avait besoin de qu'on lui rende justice. Elle n'avait pas deux choses. Elle ne voulait pas le travail pour ses fils. Son sujet de prière, c'est de rendre ma justice de ma partie adverse. Mais tellement qu'on est dans l'impatience que lorsqu'on a une chose, on veut prier pour l'eau. Demain, on prie pour la goyave. Demain, on prie pour la pastèque. Demain, on prie pour ceci. Au finish, en l'espace d'une semaine, on a 25 sujets de prière sans que aucune des sujets de prière ne soit dirigée directement dans le Seigneur jusqu'à épuisement dans notre cœur. Donc c'est ça qui a amené son... Je crois que ton cas, je vais revenir là-dessus après ta délivrance. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il te faut véritablement la délivrance. Il faut que cette chose, cette enveloppe-là qu'on a mise sur toi pour te transformer soit ôtée. Parce que tu es habillé d'une certaine façon. D'accord, mon cher? J'aurais souhaité parler comme ça en te voyant physiquement. Non, je ne sais pas. Je vais essayer de voir sur ma caméra plutôt parce que c'est mon cousin. Je vais essayer de voir ça tout à l'heure. Oui. Voir si ça peut se résoudre. Parce que bon, comme tu viens de le mentionner, je sais qu'il y a des problèmes à mon niveau. Oui. Et depuis le pays, il sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il fallait que je sorte du pays pour qu'il y ait des déclenchements. Je le savais, mais je ne savais pas comment. Oui. Mais comme il a dit, moi j'aime beaucoup les éclaircissements. Et ça me permet de pouvoir mieux évoluer. Ne t'inquiète pas, si il dit mieux, si il dit plus que ce que je l'ai dit là, c'est que ce n'est pas le problème que tu as, c'est que tu auras le problème cette fois. Est-ce que tu sais donc que quand tu es souvent dans ton lit, il y a quelqu'un assis à côté de toi pour t'observer. Une présence à côté de toi. Même quand tu te laves, cette même présence est devant toi pour t'observer. Et si tu es vigilant, tu vas savoir que chaque fois quand tu te laves et souvent quand tu dors, il y a une petite brise, comme si c'était la fraîcheur qui te vient sur le corps. Tu as remarqué cela? Il dit que si tu parles plus, tu auras des problèmes. Donc, garde à ce niveau dont j'ai parlé. Non. Frère, laisse-tu là? Bon, ouais. Espagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Le frère, laisse-moi suivre. Je ne le vois même plus sur mon moniteur. Il a disparu. Ouais. Sa femme l'a prise. Ou bien? Allô, le frère Alex? Le temps qu'il se connecte, je ne sais pas s'il est là, s'il nous écoute. Alors, des questions? La sœur Louise est là. La sœur Louise est là. Elle est en train d'écrire dans le groupe là. Qui ça? La sœur Louise. C'est sûr qu'elle a mis le écouteur à son oreille comme ça, elle ne veut pas bavarder parce que si elle bavarde dans la maison, ce sera chaud. Mais j'aurais souhaité lui parler d'une certaine boîte de nuit. Donc, comme elle ne parle pas, on parle à passer à une autre personne. Je suis là. Ah ah. Allô, ma sœur, lui, ça va? Non, mon frère, il fallait que je me déplace parce que je suis là. Il fallait que tu te déplaces parce que tu es là. Maintenant, tu te déplaces pourquoi, ma soeur? La pièce dans laquelle tu es n'est pas bonne. Non, parce que le patron est là. Oui, le patron est là. Le patron est là. Mm-hmm. C'est le jour qu'il va couper ton écouteur là que tu vas comprendre qu'il ne faut pas passer la nuit là-dedans. Alors, je vous l'ai dit. Oui, c'est qui? C'est moi. C'est le frère Alex. Non, la fille. Je te vois pas du tout, je ne te vois même pas sur l'écran. Frère Alex, il est où, frère Alex, là? C'est pas frère Alex. Ok, vous voyez, la connexion n'est pas bonne. Frère Jean-Marie, oui, vas-y, je t'écoute, c'est toi. J'ai quelques questions, là. Ok, oui. C'est Louise, on prend d'abord les questions d'abord, non? Qui me préoccupe? Donc, Damarc... Non, mais attends, d'abord, on finit avec la soeur Louise, parce que cette chose, si ça... Ouais. Comment, mon frère? Bon, si la si c'est urgent pour la soeur, il n'y a pas de souci. Bon, posons-lui la question. La soeur, lui, c'est urgent pour toi? Oui, mon frère. Ok, bon, maintenant, il y a quelqu'un habillé en cuir noir dans une boîte de nuit qui traverse au devant de toi. Du pas deux fois, il fait ce mouvement. S'il va à la. Bon, je recommence encore. C'est dans une boîte de nuit où ça se trouve. D'accord, et cette boîte de nuit, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est ici au pays, mais je crois que c'est là-bas chez vous. Cette boîte de nuit, c'est que je n'ai pas regardé. Donc, quelqu'un passe au devant de toi et te regarde. Cette personne s'est habillée. Il y a quelqu'un qui fait du bruit là. C'est qui encore? C'est le frère Benjenit. Frère Benjenit, c'est quoi? Oups, pardon. Il dit que tout le Benjenit. Il dit que le Seigneur encore fait quoi? Normalement, lorsque ces choses sont dites comme ça, vous qui êtes concerné, vous devrez enregistrer ces choses-là par vous-même dans sur votre téléphone ou n'importe quel instrument que vous avez autour de vous pour entendre ce que cette voix se dit par la suite. Ok, donc la sœur Louise, le frère Alex, elle a maintenant. Oui, j'essaie de connecter ma caméra, mais c'est ce qui me pose le problème actuellement. Je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, c'est ça, mais depuis quand je parlais, tu m'écoutais. Bon, c'est maintenant que je t'entends. Je parlais d'une présence qui te regarde chaque fois quand tu dors et surtout quand tu te laves. Et il disait que si tu avais prêté attention, tu devais savoir une brise. Je ne sais pas comment on peut avoir ça. Une petite chose traverse sur toi. Là. Traverse le corps. Ouais, tu as suivi ça quand il dit cela? Oui, okay. Bah, je voulais demander c'est laquelle des présences. Ah non, tu demandes d'abord ce qu'elle présente d'abord. Hein. Il demande que. Parce que souvent quand je suis couché, dans mon esprit, je reçois un message qui me dit à ta droite, il y a un ange qui est là. Ok, bon, de toute façon, c'est pas ça dont je viens de parler. Bon, rentrons dans le cadre des gens. C'est quelque chose. Bon, non. Frère, allez, on va parler, d'accord? On va rencontrer, on va te confronter. La sœur Louise. Où est-ce qu'on a mis la sœur dirigée là? Nous sommes dans l'Espagne, la sainteté, c'est pas la Côte d'Ivoire ici. Je crois que ce serait mieux qu'on reprenne la Bible là. On rentre dans les Saintes Écritures. Ah, quelle soirée. La sœur Louise. La sœur Louise. Oui, mon frère. Voilà, laisse ton micro ouvert pour qu'on parle. Parce que je ne te vois pas. Tu as coupé ta caméra, non? Et aussi parce que je ne te vois pas. Donc, je viens de lui dire que ça, c'est une boîte de nuit. Dans cette boîte de nuit, il y a quelqu'un qui est passé devant le top à deux fois en allant à la caisse. Ça veut dire que, enfin, c'est pas la caisse, ça c'est un endroit. Il y a un comptoir et puis il y a des chaises assis tout autour là. Et là, c'est comme si on passe à soi, on prend du whisky ou c'est quoi, et puis on traverse comme ça. Cette personne t'a regardé deux fois. Mais ce n'est pas un être humain normal. Tu m'entends? Tu t'entends, mon frère, mais je ne me retrouve pas. Donc, un mort t'a regardé en boîte de nuit et t'a admiré. Wow. Tu étais tellement jolie. Que ton regard. Je suis encore dans le monde. Oui, c'est pas maintenant, ne t'inquiète pas. C'est pas maintenant. Tu ne vas plus en boîte, pas vrai? toujours. Mais c'est comme si, c'est comme, je suis en train de regarder, c'est comme si dans ta boîte, si cette personne ce que tu trouves à côté, c'est ton mari. Curieusement. C'est comme si ton mari se trouve dans cette même pièce-ci. Mais je dis, tes regards ont seulement tué un mort en boîte. Ça, non. Et la soeur, si. Donc même tes regards tuent même le juste, parce que même le mort lui qui est dans mort dit que c'est Wanda seulement sur le regard de la femme, si. Et cette personne, c'est pas mon frère. Ça veut dire que cette personne se porte le cuir, c'est habillé, elle est habillée en cuir. Mm-hmm. Parce qu'elle va, vous a suivi cette nuit là. Comment Michael Jackson? Comment? C'est pas Michael Jackson. Mais je pose la question, ma soeur, où tu pars en boîte, tu partais en boîte de nuit avec ton mari à toi? Non, je n'étais pas encore mariée quand je partais en boîte. Avec lui? Non, je n'étais pas mariée, c'était pas avec lui, c'était avec des amis. Ok, mais qui était proche de toi comme ça, qui dansait comme ça, là, qui dansait, quand tu y avais un mot comme ça, là, bon. Est-ce pas dans la scène? Non, c'était... Oui. Bon, je crois que ma caméra passe maintenant, je suis chier. C'était qui, ma soeur? Mon frère, je me suis en boîte de nuit avec qui? Mon frère Stéphane, au secours. Ok, cette personne, c'est qui est à côté de toi, a le jean plutôt, mais il a enfilé. Son habit est enfilé dans son jean. Il est très proche de toi. Que le Seigneur te bénisse. Il est habillé en jean. C'est le jean. Le haut n'est pas le jean. Le haut, c'est un. Vous voyez ce que je porte là. C'est un tricot multicolore. Il y a plusieurs couleurs là. Et puis, c'est le jean. Il a enfilé. Donc, je crois que ça va pour toi. On a besoin de travail. On doit travailler. Chacun doit travailler. Il faut se libérer de toutes ces choses, de ténèbres là. Aller dans ces choses. Après, vous dites. Ah, c'est quelqu'un en Christ. J'ai une question. Oui. Une question, s'il te plaît. Oui. Et le mort là qui m'a regardé, il a fait quelque chose à moi. C'est pour ça qu'ils t'ont suivi cette nuit là. Il t'a suivi cette nuit là. Jusqu'à chez moi peut-être. Vous allez rentrer ensemble, c'est ce que je viens de lui dire. Donc on va parler après, ma soeur. D'accord? D'accord. Je dois dire seulement au maximum de ce que vous pouvez entendre. Alors. Moi je suis impatient même de tout entendre. De tout entendre. En tout cas. Avec tout ce que tu as entendu, tu vas voir donc ce qu'elle va commencer. Mais souviens-toi que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est la promesse du Seigneur Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quel qu'en soit le cas, même si le temps a couvert le pays et que l'homme de la mort a régné n'importe où, ces temps-là, bien quand la lumière pointe à l'horizon, ils vont disparaître. D'accord? Amen. Parce que, bon, il me dit aussi souvent que voilà, ça m'empêche vraiment d'être en communion parfaite avec le Seigneur. Absolument. Parce que chaque fois qu'on est tout ça, je sais qu'il y a des blocages, donc voilà, j'en ai besoin d'être libéré parce que je sens qu'il y a une dimension à laquelle je dois être. Mais avec tout cela, je peux pas. Mm-hmm. Souvent, je sens que ça me bloque. Exactement. Et ça me rend un peu, je peux dire, impatient, bien tout, parce que je sens qu'il y a un niveau auquel je dois aller. Maintenant que tu dis des songes, que tu es en train de manifester la puissance de Dieu, alors que tu dis ces songes, tu penses que ça va se réaliser? Moi, je crois franchement la capacité auquel, même si je ne croyais pas en Dieu en ce moment où j'étais au pays, et je disais comme ça, parce que quand je suivais aussi mes parents dans les dominations, ce qui se passait là-bas, ça ne partait pas dans mon esprit. Et ce qui faisait qu'il y avait des problèmes avec ma mère avant qu'elle ait 17. J'étais pas apte avec ce qui se passait. Donc ce qui faisait que je partais plus, j'étais un peu livré à moi-même dans beaucoup d'autres choses. Et j'ai même dit souvent à des filles que je côtoyais qui partaient entre parenthèses à l'église, vous leur avez fait savoir que vous partez à l'église parce que vous savez pas quand est-ce que quand vous allez mourir, vous allez aller. Mais moi je sais, quand je vais mourir, je vais aller à la droite du Père, sans étant chrétien. Dieu merci aujourd'hui parce que la parole est venue et la méditation, ça me permet vraiment de comprendre cet aspect que j'avais sans même avoir connu le Seigneur. Donc je sais qu'il y a des capacités auxquelles je peux encore développer. Mais vu ce qu'il y a, ça crée des blocages et souvent ça me frustre au fait. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton œuvre, d'accord? Bienvenue, c'est l'œuvre du Seigneur. D'accord, mon cher? Amen. Ce qu'il a désigné dès la fondation du monde, rien ne peut obscurcir ça. Mais quand Satan a voulu s'inspirer ce pharaon de tuer les enfants jusqu'à Moïse, c'est plutôt chez lui que même Moïse a grandi. D'accord? Exactement. Voilà. Mon frère Jean-Marie, des questions. Tu avais des questions dans le livre de Marc. Oui, oui. Marc 9, 25. Enfin, j'ai plusieurs questions, hein, mais oui. La première. D'abord. Le frère Stéphane est encore là. Frère Stéphane, bonsoir, frère Stéphanie. Comme je me suis bloqué. Je suis là, pas de nuance. Tout si ça a dérangé un peu. Ok. Oui. Verset 25. Marc, combien? 9. Verset 25. Oui. C'est là où Jésus décide de quoi chasse cet esprit sous et mieux là, n'est-ce pas? Oui, oui. Pourquoi on écrit l'esprit deux fois différemment? Ok, allons-y, lis d'abord. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: l'esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et il n'a pas plus. Le premier esprit écrit comment? En petit. Deuxième. En grand. Et lui dit, regarde quand on a dit et lui dit, qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Esprit impur et sourd. Non. Avant esprit. Le touche avant esprit, il y a quoi qui écrit? Menaça. Non. C'est le cas. Bon. Dans le verset 25, on dit et lui dit, n'est-ce pas? Il y a et lui dit. Et lui dit, ouais, ouais. Voilà. Et lui dit, après, et lui dit, il y a quelque chose qui est écrit. Deux points. C'est à cause de deux points qu'on a mis esprit avec le majuscule. Donc, ce n'est pas le fait que l'esprit est écrit de l'autre côté minuscule, l'autre là, esprit. C'est la commodité de la langue qui permet d'écrire comme ça. Est-ce que je t'ai vu par ailleurs? C'est à cause de deux points que c'est écrit, que cela est écrit comme ça. Parce qu'en réalité, si on devait parler de l'esprit sous et mieux, esprit impur, et que ça commence par le début d'une phrase, on doit mettre ça en majuscule, malgré que c'est un mauvais esprit. D'accord, mon frère? Oui. Mais dans d'autres traditions, c'est avec E minuscule, hein, dans la version David Martin. Malgré qu'ils ont mis deux points, n'est-ce pas? Voilà, et ils n'ont même pas mis deux points, ils n'ont mis virgule. Voilà, ils sont obligés de mettre virgule, parce qu'ils mettaient deux points, la communauté de la langue veut que ce soit E majuscule. Maintenant, s'il veut commencer à écrire par le début d'une phrase, ils seront obligés de mettre E majuscule parce qu'à cause de la communauté de la langue. Ou mieux, si ça finissait après une phrase et que ça doit continuer dans l'autre phrase, c'est le début d'une phrase, la lettre française commence par une majuscule, se termine par un point. Voilà. Et je crois que dans la version, attendez un peu, dans... Le spécialiste la version numérique de 8 secondes. C'est la version c'est le spécialiste des versions ici. Justement, ça permet de mieux voir l'aspect parce que parfois, quand tu te bases sur juste un seul, voilà, tu es un peu perdu. Donc, en analysant avec plusieurs. C'est pour ça que nous avons le don au milieu de nous, comme ça, là, les spécialistes des versions différentes, les spécialistes des versions comparées, ainsi de suite. C'est bon. Merci, frère. Qu'est-ce que l'autre version nous dit? Dans plusieurs versions, justement, ça commence avec le E majuscule après le point, comme même dans la version Osterwald également. Donc, je recommence encore, ce n'est pas à cause du fait qu'ils ont fait l'erreur en mettant E majuscule, ce n'est pas à cause du fait qu'ils sont allés glorifier l'esprit impur, c'est à cause de la commodité, tout simplement, de la langue. Et je pense également d'un côté, quand bien ce serait même avec ce E majuscule, le bon sens voudrait que ce soit cet esprit impur là, parce que le Saint-Esprit ne peut pas chasser le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Et aussi, pour voir que je crois que selon les traductions, parce que c'est vrai qu'on a souvent mis l'accent sur le sur les langues oui. grecques et hébreux. Oui. On verra que dans cette langue-là, par exemple, généralement, ils ne connaissent pas la majuscule et la minuscule, ils écrivent juste un peu comme l'arabe, c'est une seule fois. Exactement. Maintenant, pour mieux comprendre la chose en français, on a mis en majuscule pour pouvoir mieux comprendre, mais normalement, dans les grecs, il n'y a pas majuscule, minuscule, ça s'écrit simplement, un peu comme le chinois également. Exactement. De toute façon, quand on s'agit de l'esprit impur, même si on a fait l'erreur, on a mis le grand E, sachez que c'est l'esprit impur quand même. Parce qu'il y a des endroits où on a mis l'esprit du Seigneur avec petit E. Vous devez corriger cela. Des questions? Il y en a une qui n'a pas parlé aujourd'hui. La Neuchâteloise. Elle observe seulement en premier lieu parce que c'est sa première sortie. Oui, j'ai quand même une question. Enfin, il fallait que je tire ça de son nez. Allons-y, ma soeur. Je laisse souvent les autres parler. Non, maman dit de dire un gentleman. Oui, vas-y, ma soeur. Comme c'est une seule question, et puis le frère Jean-Marie a d'autres questions. Je crois que épuisons ta question, et puis on revient vers lui directement. Ah, il permet. Oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, le corps de Christ, c'est le corps de Christ, le meilleur endroit où on puisse rencontrer tout le bon sens, tout le bon comportement. Normalement, n'allez pas croire que Satan montre là que nous sommes des plus souillés là. N'allez pas croire cela, nous sommes bien, par le nom de Jésus. Oui, ma soeur, vas-y, parle. En fait, c'est dans les Actes des Apôtres. Oui. Donc, j'ai lu tous les Actes des Apôtres et on racontait chaque fois, on parlait de Paul. Oui. Et tout à coup, à Actes 21, il y avait nous. Nous embarquâmes. Mmh. Couche, je ne savais plus qui parlait. Ça, c'est Luc qui parlait. C'est Luc, d'accord. Luc. Mais on le voit où? Mais on ne le voit pas parce que c'est lui qui en a les présentés. Après, il s'est inclus maintenant, ça, parce qu'il faut qu'il se déplace pour aller voir maintenant ce qui se passe de l'autre côté, non? Donc, ça veut dire que ici montre clairement que Luc, le médecin, a marché avec l'apôtre Paul. Il a vu physiquement l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, n'est-ce pas, frère et soeur? Amen. Non, selon moi, il devait soigner un peu les yeux de Paul. Pourquoi? Il devait soigner les yeux de Paul. Parce que Paul était. N'était pas remis de l'éblouissement de la lumière qu'il avait reçue. Eh ben non, ça veut dire que ce n'est pas une lumière normale qu'il avait fait, ça veut dire que ce n'est pas un médecin normal qui peut guérir cela. Est-ce que l'apôtre Paul a dit qu'il ne voyait pas bien? Non, pas tant que tel, parce que quand il écrit, hein, je ne sais pas si c'est au Galates. Il dit qu'il avait de grosses lettres. C'est ça, n'est-ce pas? Non, parce que il a dit au Galates que. Ils n'ont pas tenu compte de l'aspect de son, je sais pas, de son visage et tout, par rapport au miracle qu'il faisait. Je crois que en tant que tel, je crois que des personnes devaient se poser des questions vu comment on peut l'aspect qu'il recelait. Mais il dit que les Galates n'ont pas tenu compte et ça lui a vraiment plu. Donc c'est pourquoi le médecin lui qui était là souvent pour les traiter. Moi, je te pose d'abord la question que comment un médecin se met dans la littérature au point où il dit que Thérèse excellent, quoi, Théophilus, j'ai fait avec exactitude, avec ce que vous avez reçu là, c'est la bonne chose. J'ai vérifié et c'est exact. Qu'est-ce que le médecin va faire dans la littérature? Même pas la littérature de la médecine, mais la littérature du ciel. Non, la preuve n'est que, comme Paul même l'a dit, il a laissé l'autre, il a oublié son nom, malade. C'est-à-dire souvent, nous-mêmes, j'ai cru écouter ça quelque part, nous pouvons avoir un don de guérison qui n'est pas pour nous-mêmes, oui. qui peut être disponible pour les autres. Oui. Donc je crois que Luc, en sa qualité de médecin normal, pouvait attribuer certains soulagements à Paul. Donc c'est pourquoi, voilà, il avait lutté en majeure partie avec Paul. Ou le soulager de ses douleurs, je peux dire ainsi. Bon, on va commencer à rencontrer, on va lui demander, il faut qu'on s'assoie dans un cas, dans un endroit au ciel là, on essaie de causer de tout ça. D'accord, parce qu'il faut, faut que Luc lui-même nous dise, comme dans le livre de Luc, là, lui-même il a écrit qu'il y avait une femme qui avait un peu de sang pendant 12 ans, on dit sans qu'aucun médecin ne peut plus le guérir, mais son mal a des pires, n'est-ce pas? Il faut qu'il nous dise ce que leur recherche dans ce moment-là disait cela. Des questions, le frère Bekombo, on revient vers toi maintenant. Voilà, donc j'avais... Attends, non. La sœur de Neuchâtel, c'est bon? Avec le oui, nous. Oui, merci beaucoup. Oui, mon frère, allons-y. Acte 7. Oui. Verset 38. Waouh. Merci beaucoup, frère. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, c'est bon, ça, on partage bien là. C'est vrai que la réunion n'est pas conventionnée comme on table les tantons, après on dit ce moment d'adoration, mais ça se passe comme ça se passe. N'est-ce pas, la sœur Linda? On n'a pas fait dire qu'on ferme les yeux, on chante l'adoration d'abord avant de. C'est le nettoyage aussi, ça. Que Dieu te bénisse. Acte chapitre 7, mon frère. Mm-hmm. On t'attend. Verset 38. Verset 38. Et ça, c'est la révélation d'Étienne quand on l'avait capturé là. On devait les chicoter quand il bavarde beaucoup là. Alors il dit, vous y êtes. Oui. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant, il parlait de Moïse, hein. Oui. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec vos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Mm. Et puis, si dans le même chapitre, verset 53, oui. Il dit, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange, oui. Et qui ne l'avez point gardé. Oui. Donc, quand on va dans Exode 24, oui. 11. Exode 24, on dit, je vous, vous voyez, quand vous êtes comme ça, vous voyez comment cette liberté de l'esprit là est bon. Maintenant, vous êtes, quand vous lisez la Bible comme ça, vous vous posez la question, ça me plaît beaucoup parce que même s'il quitte la terre, c'est qu'il y a un impact qu'on a laissé. Les gens doivent sonder les Écritures. Sonder les Écritures. Exode chapitre 24. Verset 12. Oui. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai les tables de pierre. La loi et les ordonnances oui. que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Et attends la question. Frère Benjamin, vous voyez comment il me dit de l'arrivée là, il a mis sa main là. Nous attendons la question. Nous, frère Benjamin, Alex, le frère Stéphane, nous attendons la question. Quelle est la question, frère? La question, c'est que, est-ce que c'est les. C'est parce les que là, Étienne dit que c'est les anges. Qui ont donné ces ordonnances là. Oui. Et là, l'autre côté on dit que c'est Dieu. Alors je ne sais pas. Je suis dans la confusion là. Le frère Stéphane. Est-ce que c'était dans l'approbation de Dieu? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'ombre des choses à venir. Le frère Stéphane, tu as la parole. Bien, merci frère pour cette question. Effectivement, vous voyez dans cette brossage de l'Ancien et du Nouveau Testament, enfin, de l'Ancien Testament pour expliquer et amener au niveau de Christ Jésus qui est venu pour la délivrance d'Israël, le frère Étienne touche des points et ressort certaines choses. Souvenez-vous, il parle par le Saint-Esprit. Et donc, il ne peut pas contrôler les Écritures. Donc, maintenant, il faut donc qu'on comprenne donc ce qu'il a en train de dire dans ce verset 38, puis le verset 51, avec ce que tu as lu dans le livre des. Enfin, si on a lu toutes les Saintes Écritures, on va voir que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans le principe même de Dieu. Frère Stéphane, as-tu une explication? Non, frère, il n'y a pas d'explication. Frère Benjénit. Même tu attends. Toi-même, tu attends. Allô? Allô, frère? Oui, on t'attend. Tu nous écoutes? Je vous écoute, frère. Oui, tu as suivi préoccupation de notre frère, non? Oui, frère. En fait, effectivement, là, il est fait mention des anges. Et je voudrais en fait qu'on aille dans le livre de Galates. Voilà, avant d'aller dans le livre de Galates, maintenant, ça montre que vraiment que le frère Benjamin, que Dieu te bénisse. Ouvrez d'abord le Exode 32, le verset 16 de Exode 32. Lisons cela. Exode 32. Vous notez aussi en parallèle le livre de Néhémie, chapitre 13. Pour Néhémie, vous allez lire ça par la suite. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. Pour ton Galates 3 là. Merci. On va laisser l'explication au frère Benjamin tout à l'heure. Donc notez Exode 32, verset 16. Néhémie 13. Puis Matthieu, chapitre 5. du verset 17 à suivant. Donc, on va seulement lire Exode et va expliquer Matthieu, puis il va laisser le frère Benjamin parler. Matthieu, combien? Matthieu, chapitre 5, verset 17 et suivant. Jusqu'au verset 28. 17 à 28. On y va. Je crois que ce que vous allez faire, c'est que chaque fois que nous travaillons sur les, quoi, dans un forum, après vous faites le résumé de ce qu'on a vu, les grandes lignes, de ce qu'on a vu avec les versets, vous écrivez pour que ceux qui n'avaient pas été là puissent venir et lire ce qu'il en est par rapport au résumé. Le frère qui peut lire, qui a la connexion qui est bonne, Exode chapitre 32, verset 16. Vous pouvez prendre les versets 15 et 16 même. Hein? Mm-hmm. 15 et 16. Oui. Alors, Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables de témoignage dans sa main. Oui. Les tables étaient écrites des deux côtés. Mmh. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Voilà. Gravé sur la table. Amen. Donc, Amen. Qui avait écrit les 10 paroles? C'est Dieu. Lui-même, n'est-ce pas? Oui. Qui avait taillé la pierre? Lui-même. Qui avait pensé? Lui-même. Qui avait écrit dessus? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, aura-t-il dit que le commandement sera annulé? Non. Vous voyez donc, dans un enseignement, j'avais dit qu'il faut faire attention lorsque la Bible parle de la loi. Ou vous entendez comme on dit que la loi de Moïse, la loi de ceci. Il faut faire attention, il faut faire la différence entre la loi que Dieu a donnée, la loi de Moïse, la loi dans les différentes prescriptions. Parce que selon ce que la Bible dit quelque part, il peut vouloir se référer à cette loi, c'est ce qu'on écrit sur les tables. Il peut vouloir se référer à la loi des prescriptions, à la loi des ordonnances. Quand on dit par exemple que toute la loi de Moïse a été annulée, il faut faire attention à ce qu'on en a dit. Vous voyez? Donc maintenant, voilà ce que la Bible déclare, que c'est Dieu qui avait écrit les 10 paroles. Or, on ne parle pas de toutes les instructions qui ont été données à Moïse dans l'Ancien Testament. C'est pas cela. On dit clairement que sur cette table-là, c'est ton contenu 10 paroles. Et que ces 10 paroles-là étaient l'écriture de Dieu. Voilà. J'en ai fini. Frère Benjeni, continue ton explication. En fait, frère, comme tu l'as dit, dans le passage de Matthieu, le chapitre 5, le verset 17 surtout, nous interpelle avant qu'on ne puisse peut-être continuer dans ce Galates au chapitre 3, où le Seigneur Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Or, on connaît qu'il y a certaines choses qui relèvent en fait du gouvernement du Seigneur, les choses que le Seigneur a érigées en loi, elles sont inchangeables. Oui. Les choses qu'il a érigées. Mon frère, mais par cette parole-ci, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Quand il parle les prophètes, il s'agit de quoi dont il veut faire mention? Quand il dit prophète, il parle de quoi? Je pense qu'il se réfère en fait à ce qui a été donné par le prophète Moïse. Et la loi, il parle de quoi? Parce qu'il faut noter que les écritures sont divisées. Quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 24, où Dieu, la Bible déclare que, et puis il a ouvert l'esprit afin de comprendre l'écriture, il a dit qu'ainsi il écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Il a expliqué ce qui se trouvait dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, le concernant. Donc, les livres sont divisés en livres de la loi, livres de prophètes, livres des psaumes, ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi vous voyez cette catégorie-là. Donc, je suis en train de vous la dire, annuler les prophètes, ça ne veut pas dire que ce sont les prophètes en tant que chair qui veut annuler. Non, c'est les livres des prophètes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas comme Kakou Philippe a fait là en disant que comme Moïse et autres là-bas ont fait aussi son livre en annulant les autres livres. Il dit que il n'est pas venu pour abolir la loi. Quand on parle d'abolir la loi, ça dit que pour dire que l'ancien, les cinq livres qu'on a donné à Moïse est passé. Mais pour accomplir la loi, c'est-à-dire que les choses dont la loi parlait de lui, il est venu pour les faire manifester. C'est ça dont il est question. J'espère que vous saisissez. Mm-hmm. Dans le livre de la loi, il est fait mention de Christ. Dans le livre des prophètes, il fait mention de Christ. Il dit qu'il n'est pas venu pour les annuler, mais pour les accomplir, pour les rendre manifestes. Pour faire ce qui était prévu qu'il devait faire dans ces livres-là. C'est ce qu'il a dit dans ces marques. Matthieu chapitre 5, verset 17. D'accord, mon frère? En fait, le point que je voulais dire, c'est la loi ici, c'est les livres. Où est-ce qu'il t'en est dit que dans ces conditions-ci, la loi se réfère ici au livre de Moïse? Pas à la loi, comme on pourrait dire, par exemple, tu ne tueras point. Comme ça, c'est toujours aussi une loi. Mais ici, dans ce contexte, il s'agit des livres de Moïse, ou mieux le livre de la loi. Quand il parle des prophètes, il parle des livres des prophètes. Allons dans le livre de Jean, chapitre 8, voir, vous allez remarquer. Vous savez ce que ça me dit, Jean. En tout cas, il ne peut pas me regarder comme ça, comme je suis un Gengero. Vous connaissez le Gengero, non? On y va. Regardez le chapitre 8, verset 16. Et puis le verset 17. Et puis vous dites quelque chose. C'est le verset 17 qui nous intéresse. La même chose, vous allez encore retrouver ça dans le chapitre 10 des Jean toujours. Lorsqu'il va dire le Père et moi, nous sommes un. On va voir ça quelque part au verset 35 là-bas. Donc, verset 34. Donc, notez le chapitre 8, verset 16 et 17, puis le chapitre 10, verset 34. Vous allez voir encore cette même appellation. Vous allez voir ce que je tente de dire. Maintenant, allons-y, 16 et 17. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé avec moi. Il a écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Voilà. Vous voyez ce qu'il t'en a dit, n'est-ce pas? Le Seigneur dit ici, il est écrit dans votre loi. Or, le témoignage de deux est vrai, c'est une loi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une loi dans son énonciation. Mais ici, votre loi ici se réfère au livre dans lequel c'est contenu. Cette phrase-là est contenue. Et là, le Seigneur fait référence comme ça dans le livre de Nombres, chapitre 35, verset 30. Si vous le voyez, c'est ce qu'il y a là-bas. Dans Deutéronome, chapitre 17, verset 6. Et dans le chapitre 19, verset 15 de Deutéronome. Donc, si vous lisez Nombres, chapitre 30, verset. Chapitre 35, verset. Il y a un bruit qui sort de chez Frère Benjamin là. Dans le livre de Nombres, chapitre 35, verset 30. Deutéronome, chapitre 17, verset 6. Et Deutéronome, chapitre 19, verset 15. C'est contenu là-bas. Donc, le Seigneur, il dit, c'est la phrase qui est contenue là-bas. Dans le livre de Deutéronome, vous avez vu que c'était Deutéronome, Nombre. Or, dans ce livre-là, Deutéronome c'est un livre, Nombre c'est un livre. Et là, Jésus, notre Seigneur, dit, il est écrit dans votre loi. Il appelle cette fois-ci même votre loi, donc le livre qu'il lise. C'est pour ça que Christ dit, quand Jésus, notre Seigneur, dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, que je ne suis pas venu pour abolir la loi. Chaque fois qu'on ne comprend pas ces choses, dit, faites attention lorsque la Bible parle de loi, chaque fois dans la Bible. Vous voyez, voici un exemple. Il dit, il est écrit dans votre loi, le témoignage de Dieu est vrai. Vous voyez cela? Parce qu'en réalité, Dieu avait dit que pour qu'on condamne quelqu'un, il faut que ce soit sur le dépôt, le témoignage de deux ou de trois personnes. Donc, c'est le minimum de deux personnes qui doivent témoigner. Jésus voulait effectivement montrer effectivement que, voici encore une autre chose, il voulait montrer clairement qu'il en a accompli la loi. Parce qu'ici, le verset suivant, le verset 18, va dire clairement que il quitte fait le témoignage de lui-même, ça fait un, et le Père qui l'a envoyé fait aussi le témoignage, ça fait deux. Donc, jusque-là, il n'a pas violé la loi, ces passages-là. Alors, Nombre chapitre 35, verset 30, Deutéronome chapitre 17, verset 6 et Deutéronome chapitre 19, verset 15, 17 paroles. Mais ici, Jésus fait référence à votre loi en disant, en parlant du livre. Chapitre 10, verset 34, puis 35. Quelqu'un peut-il lire? On n'a pas encore trouvé. Oui. Alors, Jésus répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà. Quel a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée? Et si l'écriture ne peut être anéantie? Voilà, c'est bon. Donc vous voyez qu'ici, encore une fois de plus, il a encore employé la même chose aux Juifs en disant que n'est-il pas écrit dans votre loi. Vous voyez, dans le livre de Jean chapitre 8 que nous avons lu précédemment, loi là-bas se référait au livre. Et Jésus a dit, il est écrit à l'intérieur. Et les gens, les lieux où il était écrit, je l'ai mentionné, Nombre chapitre 35, verset 30, Deutéronome 17, verset 6, et puis Deutéronome chapitre 19, verset 15. Et là, ça se continue dans les deux livres là. Il a appelé ça loi. Maintenant, ici, il dit dans le chapitre 10, verset 34, il n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Or, ici, il se réfère au psaume 82, verset 6. N'est-ce pas? Donc, vous voyez effectivement qu'ici, il appelle loi le livre des psaumes. C'est donc pour cela qu'il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment faire attention. Maintenant, Luc chapitre 24. On y va. Verset 27. D'abord. Rapidement, et bien, rapidement, continuons avec le développement de notre frère Benjamin. Je vous le dis en vérité. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 27. Puis après, on va aller au verset 44. Jusqu'à combien? Le 27 à combien? Non, le 27 seulement d'abord, puis le verset 44 et 45. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Non, il leur expliqua. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Donc, ça veut dire que Christ, les choses concernant Christ est. C'est disséminé partout dans les Écritures. Et là-bas, on dit que, commençant par Moïse. Or, Moïse, c'est la Pentateuque, c'est-à-dire que les cinq premiers livres. Ça veut dire qu'il est allé dans les Pentateuques. Il a expliqué aux disciples ce qui le concernait dans la Pentateuque. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Quand il a fini là-bas, et on dit qu'il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous voyez que le Seigneur est disséminé partout dans les Écritures sans pour autant être appelé Jésus-Christ à l'intérieur, sans plutôt être appelé Machia. Donc il a les attributs, les choses qui le concernent, ce qu'il devrait faire, qui sont conduits dans cette loi-là. Versets 44 et 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà. Vous voyez, alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc, si on n'ouvre pas ton intelligence pour que tu comprennes les Écritures, ton esprit, c'est que tu vas beau lire, tu ne sauras pas que ici dans l'Écriture, on a parlé de Jésus. Ici, on a parlé de telle ou telle chose. Enfin, il faisait ce détour pour montrer qu'il faut faire qu'on fasse attention quand on parle des lois, particulièrement, de cette page-là. À un moment donné, loi peut signifier. Regardez par exemple, la Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 7, le verset 3, qu'une femme est liée par la loi à son mari. Vous voyez cela? Cette loi-là ne signifie pas la loi de Moïse cette fois-ci. C'est une loi spirituelle. N'est-ce pas si vous me saisissez? Voilà. Amen. Revenons maintenant. Le frère Benjeni, tu as la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, en allant dans Galates au chapitre 3, c'est étonnant ces choses, n'est-ce pas, le frère Benjamin, dans les Saintes Écritures, ce que tu veux lire. Amen, frère. Wow. C'est choquant quand on découvre ça, n'est-ce pas? Amen, amen. Ça, c'est vrai. Mais ce sont des petites choses sur lesquelles on passe sans se rendre compte. Et plus tard qu'on entend ça, ça semble choqué. Mais c'est la vérité. Allons-y. Balance-nous ça, mon frère. À partir du verset 17, on va lire du verset 17 à 19. Il faut que le frère qui a posé la question lui-même lise. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue vaine. Par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité et à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. C'est le frère Benjamin qui parle, c'est pas moi. Parle, frère Benjamin. Ah, ma connexion. Non, c'est la même chose. Comment, mon frère? Waouh! Ça crie. Le frère Benjamin, ferme ton micro. Tu t'es connecté, tu es en même temps connecté sur le téléphone, en même temps sur l'ordinateur. Ça fait le. Il y a résonance dans ta maison. N'est-ce pas? C'est mon téléphone là qui s'éteint. Oui. Le frère Jean-Marie, quand tu as lu, qu'est-ce que tu as compris? Mais j'avais encadré aussi la même chose. Comment ça? Ça dit quoi? J'avais encadré par rapport à la question que j'avais posée. Oui. Dans acte 7, c'est un temps. C'est cette question que nous étions en train de répondre. Et c'est la réponse qu'on a donnée comme ça, on a décrété. Frère Benjamin, si ton téléphone, si c'est bon, d'ailleurs, tu peux parler parce que c'est toi qui as la parole. Là, l'apôtre Paul prend par exemple le cas, notre cas ici chez nous, les êtres humains, les lois qu'on vote, une loi qui est votée par une assemblée ne peut pas être annulée de façon facultative ainsi. Et combien de fois en fait la loi qui a été donnée par le Seigneur. Or, c'est pourquoi il dit donc au verset 19, pourquoi la loi, il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Moïse. Donc, voilà, Moïse qui était le médiateur. Et aussi bien que je me souvienne, je pense que le frère avait déjà eu à répondre à cette question aussi dans les enseignements. Et en fait, d'où il expliquait en fait, ce sont en fait les lois qui ont été votées par des anges, comme c'est expliqué ici là. Donc en clair, l'Assemblée nationale céleste s'est tenue, on a choisi le médiateur, on a voté les lois qu'on devait donner sur la terre pour garder les gens jusqu'à ce que la postérité qui devait venir sur la terre, Christ vient pour pouvoir accomplir ce pourquoi il devait venir. Mais la loi avait été votée dans l'optique que cette loi-là soit dans le même cadre que ce qui est censé être accompli. Alors le verset 17 dit, verset 17 encore, dans ce Galate que vous avez lu, il a dit, voici ce que j'entends. Deux points. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Vous voyez? On dit, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Quelle promesse? Donc, de quelle promesse il parle ici? Donc, dans le verset 17, il explique d'abord une chose. Que une disposition, si Dieu a dit quelque chose et qu'il a confirmé, ça ne peut pas être annulé. Or, le verset 16 plus haut dit quoi? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Or, quand Dieu a dit, Abraham, je te multiplierai, je serai avec eux, je bénirai ceux qui te béniront, ainsi de suite. Il dit comme ça, il n'y a pas de loi. Donc ça, c'est une promesse. Et il dit que comme cette promesse a été donnée, aucune loi ne peut plus jamais l'annuler. Enfin, si Dieu avait donné quelque chose, ça ne peut pas être annulé. Maintenant, comment donc faire pour que Abraham a été béni, sa postérité? Et l'apôtre Paul explique là-bas donc qu'il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Il dit que la postérité est dit au singulier, c'est-à-dire à Christ. Et là maintenant, il va expliquer maintenant comment donc faire, comment on a quitté de là jusqu'à Abraham à Christ. Il dit donc que la loi est entrée en scène. Et il explique maintenant que cette loi-ci elle-même n'a pas été donnée directement par Dieu, mais c'est par les anges au moyen des médiateurs. Parce que si c'était le désordre, c'est qu'on pouvait dire quelque chose qui est contraire à ce que la promesse a déjà dit, que Dieu a déjà confirmé qu'il va le faire. Donc, mais la loi est venue donc pour encadrer. Parce que la loi, normalement, même sur le plan humain, est faite pour encadrer. si on, par rapport à la circulation, par exemple, si on laisse tout le monde circuler à sa, selon, chacun selon sa liberté, on va avoir toujours d'accidents par, chaque jour, pas vrai? Quelqu'un dira, mais pourquoi moi, il doit rouler à 120? Il va rouler même à 400. Pas vrai, frère? Alors donc, la loi est faite donc pour encadrer, pour garder les gens, pour qu'il y ait de l'ordre dans ces choses. Or, cet ordre-là, ce n'est pas pour empêcher quelqu'un d'aller à son travail. Même si tu arrives quelque part et que tu es à 4 minutes de ton travail, le feu rouge doit faire 5 minutes, tu es obligé d'attendre le feu rouge parce que la loi est là pour te garder jusqu'à ce que tu arrives au travail. Parce qu'en réalité, si tu travailles là-bas, tu grilles le feu, on te tue, tu n'arriveras pas au travail. Donc, quand la loi est donnée, la loi de Dieu est donnée, la promesse de Dieu est donnée, quelle que soit la loi qui va donner par la suite, ça ne peut pas annuler la promesse. Et la promesse ne peut pas venir contredire non plus la loi. Je ne sais pas si on se comprend. Mais le premier principe, c'est que Dieu ne peut pas dire quelque chose et annuler. Et maintenant, le livre d'Hébreux nous explique, si vous lisez Hébreux au chapitre 7, la Bible déclare clairement, allons-y là-bas, vous allez voir maintenant, gardez le doigt dans ce livre de Galates, et on y revient. Espagne dans la sainteté, que Dieu vous bénisse. Amen. Verset 18 ou 14. Prenons à partir du verset 11 maintenant. Verset 11. On y va. Personne ne veut lire alors. Donc tout le monde est fatigué ici. Donc après, on... Non, sur la perfection était possible par le sacerdoce de Lévitique. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Voilà, non, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est une intervention qu'on a d'introduire. Normalement, voici comment on va lire cela. Il y a des groupes de mots, les groupes de mots dans cette phrase-là qu'on doit placer à la fin. Il dit, si donc la perfection avait été poussée par le sacerdoce lévitique, là on a dit car, en expliquant maintenant, vous laissez cela de côté. Normalement, donc, c'est qu'était-il encore, la suite de la question se trouve là-bas, la suite de la phrase. Donc, c'est comme ça que vous lisez, si donc la perfection, et puis vous sautez, vous allez au niveau de qu'était-il encore besoin. Si donc la perfection avait été poussée par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Et puis il dit, car c'est sur ce sacerdoce-là que se repose la loi donnée au peuple. Donc il a posé la question, si c'était possible que le sacerdoce lévitique procure la perfection, dans ce cas, si c'était parfait, si on comprend que c'était parfait, dans ce cas, ça ne devait pas quitter la scène. Oui, oui. Voilà. Si ça quitte la scène, ça suppose donc que c'était temporaire. Or, Dieu ne fonctionne pas de façon temporaire. Dieu parle de l'éternité chaque fois. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire quelque chose et l'annuler par la suite. C'est vraiment dit que c'était des lois temporaires, pas données par Dieu directement, mais votées au moyen du conseil céleste, des anges. C'est curieux, mais c'est comme ça. Verset 12, mon frère. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Où est-ce là? Or, l'apôtre Paul nous explique là-bas que des dispositions que Dieu a confirmées antérieurement ne peuvent pas être modifiées. Or, on dit que le sacerdoce étant changé, parce que la loi est là pour soutenir le sacerdoce. La loi est donnée dans un sacerdoce. Si le sacerdoce quitte la scène, la loi qui la soutenait doit quitter la scène. Parce que le sacerdoce était une préfigure du sacerdoce de Melchisédek. Et au verset 7 ici, la Bible déclare qu'Abraham, quand Abraham est parti devant Melchisédek, il lui a donné la dîme de tout le butin. Et on dit que c'était Lévi qui était dans le règne de son père Abraham qui donnait comme ça la dîme. Or, dans le règne d'Abraham se trouvent Isaac, Jacob et 12 tribus. Mais on dit que c'est l'autre, Lévi. C'est Lévi qui a donné les données. Parce que ça montre clairement que le sacerdoce lévitique devait se soumettre et passer le bâton de commandement à Melchisédek, au sacerdoce Melchisédek. N'est-ce pas, frère? Amen. Amen. Ok, on continue. Versets 15, 16, 17 et 18, enfin. En effet, celui qui dit ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Donc, aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son utilité. Stop. Car la loi a amené à la perfection. Non, non. Oui, une fois de plus, car c'est une explication de ce qu'on a dit, mais normalement, la suite. Le début du verset 18 se trouve dans la deuxième partie du verset 19 et introduction. D'accord? Mm-hmm. Donc après inutilité, tu lis et introduction. Lisons encore, commençons encore verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. De son inutilité. De son utilité. Donc c'est inutilité. Oui. La suite. Donc, je passe directement à l'introduction d'une meilleure alliance. Oui, maintenant, comme tu as compris, maintenant, si tu lis en t'arrêtant, on ne comprendra pas rapidement. Donc, lis toute la phrase en continuant là-bas. Allons-y. Tu ne lis pas car ou bien? Non, ne lis pas car. Allons-y. D'accord. Il y a ainsi une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Non. On va aller doucement. Je crois que tout le monde est fatigué ici. Recommençons encore. Lisons encore. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure oui. à cause de son impuissance et de son utilité. Non, inutilité. De son utilité. Ne vois-tu pas, parle normalement. Inutilité. Donc, maintenant, dans la nouvelle alliance, cette personne, ce qu'elle a décrit, l'apôtre Paul vient dire qu'en fait, la loi a été inutile. Et c'est dans cette loi-là que quand on faisait l'erreur, Dieu brûlait les gens. On dit que ce n'était pas utile. Ha! Vous parlez de Dieu là. Oui, mon frère, allons-y maintenant, cette fois-ci, sans faire l'erreur. Il y a ainsi. Et introduction. Non. Recommence un peu encore jusqu'à ce que tu parles tout droit sans t'avoir arrêté. Allons-y. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Mm-hmm. Et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà, merci. Maintenant, écoutez très attentivement. À partir d'ici, donc maintenant, chaque fois qu'on cite ces choses dans les Saintes Écritures, les gens le citent sans comprendre que non, l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Écoutez maintenant, très attentivement, là où ça trouve son sens. Dieu étant un Dieu parfait, veut conduire les gens à la perfection, les gens qui sont imparfaits. Maintenant, écoutez, il dit bien, je veux toute votre attention. Il dit, chaque fois, on dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Mais sans comprendre en réalité ce qu'ils sont dit, ni comment ça se passe. Dieu veut un culte parfait. Il est parfait. Et il ne peut pas faire autrement que de se rabaisser. Il ne peut pas se rabaisser au standard du monde parfait. Mais il veut élever les gens à la perfection. Il veut amener les gens à son standard à lui. Ce n'est pas à lui de descendre à notre standard. Qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent les images des choses célestes pour expliquer ce qu'il va faire. Que le but pour moi, c'est de vous convenir, conduire à la perfection. Maintenant, il choisit le souverain sacrificateur. Et dans ce passage-ci, ça va nous montrer effectivement que Aaron ne sait pas non plus ériger ce titre-là. Donc, ce n'est pas choix souverain de Dieu. Le choix des souverains sacrificateurs sous le sacerdoce lévitique est identique dans la volonté de Dieu dans tous les gens, tous les gens des sacerdoces. Parce que les personnes s'invitent lui-même. Ce n'est pas comme les gens viennent dans un mariage, ils s'invitent pour le tuyau, pour aller manger là. Alors, l'ombre donc commence à se présenter. Il appelle Moïse, il dit à Moïse que fais d'après la représentation que tu as vue sur la montagne. Il a vu une représentation sur la montagne. Et la Bible déclare dans ce livre d'Hébreu que lesquels rendent un culte image des choses célestes. Alors maintenant, comme on est terrestre et qu'on a des besoins de rendre des choses célestes, de rendre culte selon le modèle céleste, Dieu nous donne un type. Pour qu'on essaie de s'amuser sur la terre pour comprendre que voilà comment il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un souverain sacrificateur qui est assujetti à la mort. Et des sacrificateurs qui sont assujettis à la mort. Et par conséquent, leur sacerdoce sera transmissible. C'est-à-dire que les sacerdoces, pour le cadre humain, est transmissible uniquement à cause du fait que l'homme est mortel. Or, Dieu, lui, il est immortel. Il faut le rendre ce culte de façon éternelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort d'un sacerdoce qui va être entretenu. Mais c'est le sacerdoce qui reste tranquille. Les hommes meurent, mais le sacerdoce reste identique. Maintenant, ce sacerdoce montre clairement, à cause de son imperfection, parce que ça n'a pas amené les gens à la perfection, ça montre que ça a besoin d'être perfectionné. Que, en fait, ce n'est pas ici que Dieu voulait nous attendre. Dieu nous attend à la perfection. C'est donc pour cela que la Bible déclare que le sacerdoce n'a rien amené à la perfection, mais à cause de cela, à cause de son impuissance et de son inutilité. Il y a donc abolition, car on dit car le sacerdoce n'a rien amené à la perfection. Et on dit donc, et introduction, c'est ce qu'on dit là-bas, dans ce verset 19, et introduction d'un meilleur sacerdoce par lequel on peut s'approcher de Dieu, d'une meilleure espérance. Maintenant, et on dit donc que Christ est donc par cela même lui-même, dans ce livre des Hébreux chapitre 17, le garant d'un sacerdoce, et on dit que son sacerdoce n'est pas transmissible comme le cas de celui d'Aaron. Le verset 28 de ce chapitre 7 là finit par une belle phrase. Le verset 28, le chapitre 7 d'Hébreu, verset 28, c'est-à-dire le dernier verset, finit en disant quoi? Personne ne veut lire. 28, hein? Tous sont fatigués ici. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mmh. Mais la parole du serment qu'était fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Maintenant, il dit Amen. Que la loi, la parole du serment qui a été faite après la loi. Vous y êtes? Mmh. On dit, c'est la parole du serment établit le Fils par quoi? C'est merveilleux ça. Ça veut dire que c'est le Fils qui peut rendre les gens parfaits, pour qu'ils rendent le sacrifice parfait à Dieu de façon indéfinie. Donc, en réalité, quand vous entendez que chaque fois c'est l'homme, ça veut dire que même si le sacerdoce était imparfait, tous les rituels et les cultes qui étaient tout autour annonçaient quelque chose de plus glorieux. C'est en réalité le résumé là-bas. Donc, lorsqu'on dit que l'Ancien Testament c'est l'homme, ça suppose que Dieu en image présente les choses qui doivent se réaliser plus tard. C'est ça, en ce sens qu'on dit que l'Ancien Testament c'est l'homme. Amen. J'espère que monsieur fait bien comprendre. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, en revenant dans le livre de Galates, dans chapitre 3, la Bible dit donc que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et on dit cette postérité-là, c'est Christ. Parce qu'on n'a pas dit à ses postérités, comme si on parlait de tous ses descendants. C'est-à-dire que tous ses enfants qu'il a eu avec Keturah et tous les autres-là devraient être dans cette même descendance. C'est pas ça dont il est question. On dit sa postérité, c'est-à-dire Christ. Maintenant, le verset s'est dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Puis il dit, verset 17, voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, c'est-à-dire avant, ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine, soulignez le mot, le groupe de mots rendu vaine. Que Dieu vous bénisse. Promesse rendue vaine. Vous voyez ce qu'il a dit? Finalement, il dit ça, il finit par un point. Ça veut dire qu'il a envie d'expliquer quelque chose dans ce passage du chapitre 17, dans le verset 17. Il dit, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieure ne peut pas être annulée. En réalité, il a dit, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit clairement que ce que Dieu avait dit à Abraham comme promesse n'a pas été annulé par la loi. Parce que quand vous lisez la loi, vous avez comme l'impression que tout le monde a le droit au sacerdoce. Pourtant, là, dans le verset 16, il est question là, d'un sacerdoce qui va être gouverné par une seule postérité. N'est-ce pas ce que c'est ici? Et ici, il dit, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Or, il a donné la promesse avant. Et la loi est venue 430 ans plus tard, quand les Juifs sont sortis de l'Égypte. Dieu a commencé à donner la loi, comme on a vu dans le livre d'Exode là. Il veut dire que la promesse est rendue obsolète. C'est comme si on a mis pause sur la promesse avec la loi. Maintenant, il faut que la loi fasse place pour qu'il vienne. C'est donc pour cela qu'il va expliquer donc, au verset 19, il dit pourquoi donc la loi? Ok, si la promesse a été bloquée par la loi qui était venue survenue 430 ans plus tard. Il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Ensuite, c'est-à-dire à la suite de la promesse. C'est pas ce sens, vous comprenez? Donc, ouais, j'ai tendance à dire que même si ça vient de façon, même si ça vient par les anges, ce qui vient, c'est que les choses sont votées en marge et en conformité à la promesse qui a été déjà faite. Parce que la postérité est censée venir pour faire qu'Abraham rentre dans son plein héritage. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a déchéance de l'être humain, c'est-à-dire que le péché est entré. Et on dit ici que la loi a été donnée à cause de transgression. Maintenant, quand la transgression est là, la loi vient pour amplifier, montrer effectivement qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est pour ça qu'il y a les rituels dans cette loi-là pour montrer clairement qu'on a besoin de la rédemption. Et cette rédemption a pointé encore la personne qu'on a déjà dit dans la promesse. Je ne sais pas si vous me saisissez. Est-ce pas dans vous me comprenez bien? Oui. C'est vrai, on dit qu'aucune loi ne venait être votée et être contraire à au plan de Dieu que Dieu s'est érigé d'abord d'entrée. Les lois temporaires, comme le cadre dans le sacerdoce lévitique, n'étaient en rien contradictoires avec la promesse ni de ce qui est dans la grâce. Ils ont voté dans le sillage d'accomplir le plan de Dieu. Ça veut dire que c'est un garde-fou pour que le moment arrivé, il manifeste effectivement sa promesse. C'est ça que l'apôtre Paul dit, et ainsi la promesse rendue vaine. Rendue vaine, ça veut pas dire que ça n'a pas, la promesse n'a pas annulé, la loi n'a pas annulé la promesse, mais que ça a mis pause. On dit pourquoi? Parce que, à cause des transgressions. Dieu voulait donc leur révéler que votre transgression est énorme, et voici le moyen pour racheter les transgressions. Il faut que le sang soit versé. Et il faut que ce soit un innocent qui prenne votre transgression. C'est ça qu'il a démontré dans les rituels. Et donc, vous voyez, Jean-Baptiste vient donc, il dit, voici donc l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et or, cet agneau-là, ils avaient cela de façon physique dans l'ancienne alliance. Maintenant, verset 19 dit, pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint. Vous voyez, donc la transgression doit régner jusqu'à ce que vient la postérité à qui la promesse a été faite. Elle est mise ici pour la loi. Elle a été promulguée. Vous voyez, promulguée par des anges. Donc ça veut dire qu'il y a une conférence, comment vous appelez, l'Assemblée nationale où on vote les lois. L'Assemblée nationale céleste s'est assise, on a voté, on a dit il faut donner telle loi, il faut donner telle loi, il faut donner telle loi, il faut donner telle loi. Au moyen d'un médiateur. Et on a choisi un médiateur à qui on doit donner. Exactement comme la loi de la grâce va venir au travers d'un médiateur. Amen. Verset 23, enfin. Avant que la foi vînt. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Quand on parle de la pédagogie, ça veut dire que la manière de nous guider. Un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, ça veut dire que dans la loi est révélée. C'est pour ça que Christ a dit donc que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, ça veut dire que ce dont on parlait là-bas, d'une certaine façon, par un autre langage, c'est ça que Jésus voulait faire. Amen. La foi, ainsi dans verset 24, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vous voyez, ce pédagogue ici se réfère à la loi. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Et donc, il faut donc faire attention donc, dans quand on lit la loi, les lois dans la Bible. Mais maintenant, la grande question maintenant se pose. Le verset 38 du chapitre 7 d'Actes des Apôtres dit clairement qu'il parlait avec l'ange au Sinaï. Mm-hmm. Le verset 58 nous dit autre chose. Nous voyons là que dans l'Ancien Testament, nous avons vu effectivement comment Moïse va montrer sur le sommet du montagne pendant 40 jours avec les anciens, avec 70 anciens d'Israël, n'est-ce pas? Ils vont manger là. Et la Bible déclare que Dieu n'a pas porté la main sur les fils d'Israël, sur les chefs d'Israël, n'est-ce pas, frère? Oui. Nous avons lu dans Exode chapitre 32, verset 15 et 16 que l'écriture était l'écriture de Dieu. Le commandement était le commandement de Dieu. Donc il ne s'agit pas, ce n'est pas de ces commandements-là qui étaient votés par les anges. Ceci était l'écriture de Dieu directement, c'est le commandement de Dieu. C'est pour ça que ça ne peut pas changer. Toutes les autres choses vont être bâties tout autour de ce commandement-là. On avance. Mais... voilà. Bon, les anges ont participé. Les anges ont participé, pas sur la montagne. Dans le conseil, quand le prophète a été appelé dans le conseil. Vous comprenez cela? Autre article, là, il dit que l'ange à l'assemblée était avec l'ange qui parlait sur la montagne. Alors, je pose la question, remarquez les paroles que l'ange a dites sur la montagne. Dans Exode chapitre 20, depuis le chapitre 19, quand il a commencé à parler, on a dit que l'Éternel ne parle pas. On parle de l'ange de l'alliance, parce qu'il venait faire alliance avec le peuple par la loi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il vous a donné Néhémie chapitre 13. Quand vous avez le temps de lire là-bas, il est parlé dans les cieux étant sur la montagne, n'est-ce pas, mes frères? Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est cet ange-là qui les a sortis d'Égypte. Exactement. C'est l'ange de l'Éternel. On l'appelle l'ange de l'Éternel. Donc c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, frère? Qui a mangé le macabre avec Abraham. Exactement. Et jusqu'où ça en a lavé ses pieds. Des questions? Ça fait 3h05 que nous sommes en train de travailler. Expandre à la sainteté. Ça, si vous voulez rattraper tous les autres jours qu'on n'a pas travaillé, c'est ça? Ah oui. Il faut que je rattrape. J'ai tellement de questions que... Bon, prenons une pause. On revient dans la deuxième partie, d'accord? D'accord, mes frères? Amen, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une petite pause, hein? Une petite pause s'impose, d'accord? Entends mon cœur, mon esprit qui te loue.